Dans les années 90, pour faire une compile, ça se passait comme ça. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Maintenant, il y a la playlist. Vos 10 titres cultes en une seule émission. Avec un petit truc honteux à la fin quand même. La playlist. Ce soir, je reçois un rescapé des jus de fruits chimiques, co-animateur d'un game de devenu tech et maître de cérémonie d'un podcast en pause pour l'instant. C'est la playlist d'Oasis. Bonsoir Oasis. Bonsoir. Ça fait longtemps que j'ai ta playlist de côté et ça fait longtemps que tu l'as changée 3 fois aussi. Oui, grande honnêteté que je suis. Oui, bah merci de me faire passer dans la playlist. C'est bon, tu la changes plus, tu n'as plus de regrets, ça y est. Bah d'un autre côté, je pourrais plus me dire ça c'est bien, faudrait que je le mette dedans et je vais le revoir en entier quoi. Ce sera fixé et c'est fini. Donc ça a été une torture et ça a été entre guillemets un soulagement de passer. Tu te rends compte que tu ne pourras plus jamais passer ici. C'est pas grave. Tant pis, c'est fait, les dés sont jetés. C'est pas grave, c'est parce que c'est moi, je connais mes goûts musicaux et je, enfin c'est moi quoi. Alors que ça permettra aux personnes qui souhaitent découvrir des gens ou d'autres styles musicaux de découvrir. Et puis après, si je change de goût musicaux, et bah tant pis, je le partagerai moi-même sur Internet ou en vrai. Tu vivras bien en fait. Oui, c'est pas... C'est que certains disent que c'est très dur, je le comprends et je crois que j'en suis la preuve hein, avec mes 3 changements. Mais bon, c'est fait et je regretterai pas. Ce n'est pas le record, ne vous inquiétez pas. Alors je vais profiter de cette petite entre guillemets saison 2 pour changer un petit peu les règles du jeu. Bon, je suis désolé, tu tapes dedans, mais bon, c'est déjà. Alors, maintenant il sera possible de reprendre un titre déjà passé dans la playlist. Parce que j'ai eu plusieurs remarques comme ça, c'est dommage, machin l'avait déjà pris et tout. Bon, maintenant j'autorise un titre repris d'une autre playlist ou déjà passé avant. Il faudra faire avec. Ensuite, bon, je pense que c'était officiel depuis un moment. Plus besoin du titre Libre de droit, même si aujourd'hui tu m'en as amené un quand même. Oui. C'est plus obligé. Et sinon, pour postuler, il faut m'envoyer un mail à barberousse@gmail.com, donc barberousse B-A-R-B-E-R-O-U-2-S, en indiquant votre pseudo et la playlist dans l'objet, en me donnant votre liste des 10 titres plus le titre de la honte. Alors, c'est encore mieux s'il y a un lien YouTube. Ça me fait gagner du temps comme ça. Et c'est même encore mieux si vous mettez le titre de l'album lié et surtout l'année de sortie. Ça me permet de juste de faire un copier-coller et j'ai plus rien à faire. Et ça, ce serait vachement bien. Après, vous faites comme vous voulez. Est-ce que tu es prêt à nous démontrer ta culture musicale incroyable et surtout tes goûts hors du commun? Oh là là, hors du commun, je sais pas. Oui, je suis prêt. Donc, on va commencer avec Justice, avec le titre Dance sur l'album Cross qui est sorti en 2007. C'est Justice, c'est un groupe français que vous connaissez sans doute. Cette musique-là, c'est une de leurs plus connues, que vous avez entendu dans diverses publicités, je pense, et à droite à gauche. C'est un groupe que j'aime beaucoup. Pendant très longtemps, j'ai écouté de la musique électronique. Très longtemps, tout est relatif, parce que je suis pas très vieux. Et en fait, ce qui m'a intrigué, c'est comme tout le monde, j'ai découvert par la chanson Dance. Et en fait, c'est finalement leur plus calme, on pourrait dire. Et quand tu écoutes le reste de l'album, certaines sont beaucoup plus bourrines et beaucoup plus agitées. Et je peux comprendre qu'on n'adhère pas, mais moi, c'est un domaine où je n'écoute pas tous les... Je me repasse pas en boucle tous les jours l'album parce que c'est un peu brutal, mais de temps en temps, ça fait du bien de... Il y a une manière de... C'est une recherche, c'est pas électronique, comme... enfin, de musique électronique telle que tu peux la retrouver dans d'autres groupes comme, je pourrais citer Daft Punk ou autre, c'est... Je sais pas, la dance, il y a un petit côté où tu as envie de bouger, envie de danser, quelque chose que j'aime bien. C'est assez intéressant sur ce domaine-là, et ils ont un côté, je sais pas, ils ont... Comment dire ? Ils ont un côté un peu... la filière de la musique électronique, c'est assez vague. On s'emploie du dubstep qui est un peu pareil, un peu bourrin, ou Justice, où ils vont un peu dans tous les domaines en fait. Où là, t'as un côté un peu plus mainstream, même si c'est pas. Et après, dans des côtés un peu plus. Comment dire, n'importe qui, le grand public écouterait ça, il trouverait ça mauvais. Et moi, ce que j'aimais bien dans Justice, c'est que justement, c'est des morceaux où t'écoutes l'album comme t'écoutes Crust, ou même tu écoutes audio, vidéo, disco. Il y a des morceaux, juste les écouter comme ça, c'est pas forcément très. Enfin, c'est intéressant, mais c'est pas là où tu le savoures le plus. Là où j'aime bien Justice et j'ai beaucoup ce groupe-là, c'est que les écouter après en version concert, en fait. Dance, cette musique-là, pour la playlist, c'est ma préférée, une des préférées de mon groupe-là, mais c'est également un argument pour parler du groupe en général, que j'apprécie beaucoup. Et ce qui est intéressant, ce que j'aime bien dans ce côté de la musique électronique, c'est que des morceaux que tu as dans juste un album, quand tu l'écoutes en version concert, tu retrouves la trame principale de chacun des morceaux, mais tout est un peu tout est mixé, transformé et adapté, et ça le rend les morceaux encore plus. Ah, j'écoute ça des fois, t'as l'impression d'être dans un autre monde, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est assez intéressant sur ce domaine-là. Alors déjà, je vais peut-être pouvoir commencer à parler. Oui. Je pense que vous avez compris, il est chouillant. Ce groupe-là, oui, c'est clairement. Ce qui m'a plus étonné, tu n'as pas connu Justice avec Assassin's Creed. Genesis. Non, je veux dire Assassin's Creed. Non, Assassin's Creed, que ce soit en jeu vidéo ou quoi que ce soit, je connais de nom, j'y ai jamais joué, donc ce sera pas comme ça que je les ai connus, non. Ils se sont fait, enfin, à ma collection, ils se sont fait vraiment connaître pour le trailer d'Assassin's Creed 2. Je connais beaucoup, enfin, la musique j'aime beaucoup la Genesis, hein, mais je les ai pas connus. N'ayant jamais touché à la licence Assassin's Creed, je pourrais pas, non, je les ai pas connus comme ça. Je les ai connus quand ils ont commencé à passer un peu à la radio. Je les ai connus, c'était vers 2006. Si je dis pas de bêtises, 2004-2005, où j'étais, ouais, j'avais un peu plus de 10 ans tout pile, enfin à peu près à 10 ans, et à l'époque j'étais, ah, c'est sympa, c'est rigolo, et puis j'ai commencé à. Je pense que tu disais ça comme ça, ouais, c'est sympa, c'est trop bien. Oui, non, ce que je voulais dire par là, c'était plutôt qu'au début, tu t'écoutes comme, tu sais, t'écoutes la radio et tu. T'entends tout, t'entends de la merde, comme t'entends des trucs vachement sympas et un peu isolés, et Justice m'intriguait. Et c'est à l'époque où j'allais à la médiathèque de là où j'habitais et il y a eu l'album en fait. Et ils avaient l'album et je l'ai emprunté et c'est comme ça que j'ai découvert vraiment Justice. Et donc Dance, je l'ai découvert comme tout le monde en fait. Et ça a été la porte d'entrée pour découvrir ce monde et depuis j'ai pas décroché. Alors ouais, après il y a des moments, il y a des creux, c'est-à-dire que leur deuxième album, là, Audio Video Disco, il est bien, j'aime bien, Civilization, j'aime beaucoup, d'autres pour lesquels je suis moins fan, du genre, j'ai en tête, là, j'ai sous les yeux, Audio Video Disco, et après, là, ils ont sorti, il y a pas très longtemps, il y a, durant l'été, une nouvelle chanson qui s'appelle Safe and Sound, qui est très sympa, qui annonce l'amorce d'un futur prochain album qui est actuellement en studio, il me semble. Pareil, c'est un morceau que j'aime bien écouter, ce qui donne envie de bouger, donne envie de. Je sais pas, le mot est pas terrible, mais t'as le move un peu, t'as envie de bouger, t'as envie de danser, mais j'attends et j'ai hâte d'écouter leur prochaine version concert. C'est le domaine dans lequel j'aime le plus. Tu vas les voir en live ou t'es non, plus CD? Je suis pas allé les voir en live. Ça arrivera peut-être un jour. Mais ils font des albums, des captations live de chacun. Ils ont fait des captations live de chacun de leurs premiers albums. Le premier, c'était à New York, si je dis pas de bêtises. Et le deuxième, ça a été dans les arènes de Nîmes. Alors le deuxième, j'ai une impression à l'enregistrement que c'est moins, comment dire, au niveau du son juste, hein, que c'est comme s'ils avaient mis un micro juste dans la salle et t'es moins proche des instruments, mais ça n'empêche que tu savoures quand même ce groupe de musique et c'est ce que j'aime bien. Alors, sans vouloir spoiler la suite de la playlist, je pense que tu as donné deux pistes. Un, électro. Oui. Deux, 2007. La majorité de ta playlist, vous le verrez après, autour de ces années. Alors je pense qu'on peut deviner que tu es quelqu'un de relativement jeune. Oui, bah je peux le dire, j'ai 22 ans, donc oui, je suis pas très vieux. Et jeune, frais et innocent, encore bien fringué à ton âge. C'est un peu ça. La connaissance musicale a commencé, entre guillemets, par ça, par l'électronique. Ah, j'ai écouté d'autres choses avant. Hein. Quand j'étais plus jeune, pendant longtemps, j'ai écouté Indochine pendant... Ouh là là. Quand j'étais plus vieux, plus jeune encore, j'ai écouté ce qui était... C'est pas tout de suite le titre de la honte. C'était pas dans le titre de la honte. J'ai écouté également du Yannick Noah, mais c'est pas quelque chose que j'ai auquel, quand je réécoute aujourd'hui, ça me rappelle quand j'étais plus jeune, mais c'est tout. C'est pas des morceaux que je savoure. Alors que... Mais ouais, du coup, 2007, c'est vraiment une période de ma vie où j'ai commencé à écouter de la musique que j'apprécie encore aujourd'hui, ouais. Ah bah justement, on va continuer en 2007 avec U-Turn, entre parenthèses Lily, de Aaron sur l'album Artificial Animals Riding on Neverland. Lily, take another walk out of your fake world. Please put all the drugs out of your head. You see that you can breathe. Alors, U-Turn ou Lily pour le nom un peu plus connu, bah ça un peu comme Justice, j'ai découvert pareil vers 2007-2008, à l'époque de leur premier album Artificial Animals Riding on Neverland. Un peu dans le même format que Justice, c'est-à-dire que j'ai découvert Lily comme tout le monde par la radio et les médias et tout ça, et après même format, hein. À la médiathèque où j'allais quand j'étais plus jeune, il y avait leur premier album, et un peu par curiosité je me suis dit tiens, je vais l'emprunter pour l'écouter. J'ai bien aimé, et donc après j'ai suivi et j'ai accroché à leurs albums suivants. Alors j'ai moins aimé leur deuxième que Birds in the Storm, je l'ai apprécié, mais j'ai quand même un petit faible pour le premier. Et le dernier qui est Waves from the Road, j'ai très peu écouté parce que c'est moins ce que j'écoute maintenant. J'aime bien écouter du Aaron, mais j'aime bien écouter plutôt le premier et le deuxième. J'aime bien... Peut-être qu'il y a un côté, une sorte de... peut-être pas nostalgie, mais j'aime bien leur premier. Et je suis moins attiré par leur nouveauté, en fait. Alors, apparemment, ils ont sorti un album en 2015, Wicked the Night. Ah, pardon, j'ai confondu les noms, alors c'est ça, Wicked the Night. Ah, donc c'est celui-là. T'as commencé par une musique très vive, très pêchue, et là tu reprends quelque chose de beaucoup plus calme. Tu es quelqu'un entre guillemets d'un peu bipolaire qui a ses deux fibres en même temps. Je suis tout plutôt... C'est en 2007 en plus. Pardon ? Même 2007, même époque. T'es pas resté bloqué sur un style. Non, bah non. Je suis plutôt de nature proche du style de Aaron, dans le sens où je suis plutôt quelqu'un de nature assez calme et sérieux. Je suis pas très... Je peux être énergique, hein, mais c'est pas mon tempérament principal. Mais ça n'empêche pas de bien aimer des morceaux et des chansons un peu énergiques, un peu... Je dirais pas bourrines, mais plus agitées. Et celle-ci fait partie plus de... du tempérament et de ce qu'on dit de moi parfois, ouais. Qu'est-ce qui t'a fait aimer ce titre au final ? Le piano seul, l'accompagnement, le texte au final assez mélancolique ou... Alors je fais partie des gens qui... je sais qu'Arnaud Doucet l'avait dit dans sa playlist, qui n'écoute pas spécialement les paroles. Pourtant je comprends l'anglais, mais c'est pas un domaine... Enfin c'est pas... sur la musique en tout cas, c'est pas un... J'en fais pas... Je me dis pas je vais écouter cette chanson parce que je vais m'intéresser au texte. Ça peut arriver, mais c'est pas ma motivation première. Et je sais pas trop ce que j'ai bien aimé. Il y a un côté, c'est difficile de trouver les mots là-dessus, mais je sais pas. Il y a un côté un peu envoûtant, un côté un peu. J'ai l'impression quand j'écoute cette musique-là, des fois quand je mets ton casque et t'écoutes ça, j'ai l'impression d'être dans ma bulle, dans mon cocon, tu fermes les yeux, tout est bien, t'es... Mon petit confort, un peu, ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Après, Aaron, ce qui a continuer qui a accentué le fait que j'apprécie ce groupe là, c'est que ça fait vieux de dire ça, à l'époque je suis allé les voir en concert à Rennes, une toute petite salle qui était la salle de la Cité, où je me souviens à l'époque j'écoutais Aaron, mais je me serais jamais dit moi-même tiens je vais m'acheter ou demander des places pour un concert d'Aaron. Et finalement je m'attendais à quelque chose d'un peu, ouais, c'était un peu méchant, mais un peu mollasson, un peu mou du genou, parce que c'est très joli, c'est très beau, mais c'est pas forcément quelque chose qui donne envie de bouger. Et finalement, sur scène, c'est quelque chose où j'en suis ressorti, mais j'avais le grand sourire, parce que ils y mettent quand même de l'énergie, ils y rendent leurs morceaux énergiques, et j'ai beaucoup apprécié pour ça. Mais tu es souvent allé au concert ? De leur groupe ou concert en général ? En général. Non, pas tant que ça, j'en ai pas fait beaucoup. T'es pas très concert en fait. J'en ai fait un autre qui est de Damien, non, de site Damien 16. Et avec, quand il a fait sortir son album J'accuse, en accompagnant mon père, parce que c'était intéressant. Enfin, j'aime bien, hein, c'est sympa. Mais j'en fais pas tant que ça, je fais pas forcément les grands festivals de l'été. Alors, je m'interdis pas de les faire, hein, mais c'est pas quelque chose auquel je vais beaucoup pour l'instant. Peut-être un jour, mais c'est pas ce que je recherche dans la musique actuellement. Et c'est pas non plus ton style d'aller en boîte ? Non, pas beaucoup. Je l'ai déjà fait, je le referai sans doute, mais c'est pas, non. Je veux faire une bonne soirée dans un bar avec des amis à faire peu importe ce qu'on fait, que d'aller en boîte dans de la musique. Même si, forcément, quand t'es au lycée, même dans les études supérieures, forcément, tu te fais entraîner, et ce moment, c'est appréciable, mais c'est clairement pas mon tempérament, et j'ai l'impression, je suis très mal à l'aise dans ce genre d'endroit, en fait. Pourtant, je m'éclate, hein, mais je sais pas, il y a une impression de, je préfère être dans un environ plus calme et agité, et j'aime pas quand il y a forcément trop d'agitation. C'est pas un endroit que j'apprécie. Le son très fort et même le style de musique, certaines musiques sont sympas à écouter pour danser dessus, ça s'arrête là, mais c'est pas un endroit où je suis pas à l'aise en fait. Et 2007, est-ce que c'est une année spécifique ? 2007. À part la police qui te recherche depuis 2007, mais. C'est les pompiers, pardon. Non, pas spécialement, c'est. Comment ces deux premiers titres de la playlist par 2007 ? Tu dis que 2007, tu as commencé à faire. L'ordre de la playlist que je t'ai envoyé, il n'était pas forcément fixe. Hein, donc c'est. Même si certes, les premières qui y sont, c'est parce que dès que j'ai fait la playlist, je les ai mis dedans parce que c'était. Ça me semblait évident, mais c'était pas spécial. Enfin, j'aurais pu les réorganiser après. Hein, c'était pas un ordre qui était fixé. Donc, commencer par 2007, bon, c'était. Le hasard a fait que. Et puis il y a surtout un autre domaine qui fait que depuis 2009, j'ai découvert le monde du podcast. Et du coup, j'écoute beaucoup moins de musique maintenant, en fait. Ah. Donc, je pense que ça contribue à ce que je découvre moins de musique, même si ça m'arrive encore. Parce que même si je suis un gros consommateur, c'est pas le. Il m'arrive d'avoir des moments où j'ai plus de podcast à écouter, ou alors où j'ai envie de changer d'air et de tester des trucs. Mais c'est. Je pense que, ouais, bah, c'est ça. J'ai commencé à écouter le podcast vers 2009, il me semble. Donc, ça correspond à peu près avec le moment où j'ai. À quelques années près, ça correspond aux musiques, enfin, un peu à la période à partir de laquelle j'ai commencé à arrêter d'écouter vraiment de manière très intensive des morceaux de musique. Alors on va passer au titre suivant, Daft Punk, One More Time, 2001, pour l'album Discovery. Que c'est un tube absolu. Tu crois ? Légèrement. Alors maintenant, tu vas m'expliquer quelque chose. Oui. Tu m'as donné une version spécifique de celui-là, qui est la version One More Time sur Interstellar en 1955. Oui. Alors pourquoi juste celui-là et pas la version d'origine de 2001? C'était pas volontaire. Non, même si j'ai vu Interstellar de 5555, mais là, le morceau spécifique, il n'y avait pas de lien particulier. Le choix a été assez difficile parce que Daft Punk, j'ai découvert, comme par hasard, je connaissais déjà les tubes, on va pas se cacher, mais j'ai commencé à vraiment l'écouter volontairement en mettant dans mon iPod et tout ça. Avec leur album Alive 2007, où j'avais un copain qui l'avait sur son téléphone et qui me faisait écouter. Ça m'a donné envie d'écouter la suite. Et on retrouve un peu pendant très longtemps, il y a eu Justice et Daft Punk pendant très longtemps en parallèle. Il y a même une époque où on s'était monté un mystère parce que Daft Punk, on n'a jamais, enfin, des images traînent sur internet, mais on n'a jamais vu leur vie. Ils se sont jamais présentés en interview sous le nom de Daft Punk avec leur vrai visage. Ils sont toujours masqués. Et bon, très longtemps, j'étais jeune et con, mais j'étais persuadé que les deux de Justice étaient le même que Daft Punk. Alors finalement, on sait très bien que non. Et c'est une théorie valable. C'est une théorie, mais qui s'avère fausse. Enfin, pour moi, je suis convaincu qu'elle est fausse. Et Daft Punk, c'est assez compliqué. J'ai eu du mal, j'ai beaucoup hésité. C'est assez particulier parce que j'aime beaucoup l'album Discovery. C'est un de mes préférés. Ils ont un peu varié leur style entre Random Access Memory et dans les premiers. Franchement, il y a des écarts. Je suis plutôt fan de la période Discovery et Human After All. Avant, je trouve ça un peu trop, ça me parle un peu trop conceptuel en fait. Ah. Même si c'est sympa à écouter de temps en temps comme Justice. En tout cas, leur début, je l'écouterai pas. J'écouterai pas certains morceaux. Je les écouterai pas juste comme ça tout seul. Alors que Homework, Discovery, même plutôt One More Time, mais c'est je l'aime beaucoup. C'est un de mes préférés. Alive 2007, c'est également. Tu peux le réécouter encore maintenant. Ça prend pas une ride, c'est toujours autant énergique et j'adore le réécouter de temps en temps quand j'ai des longs voyages en voiture. Après, bon, ils ont également fait Tron l'héritage que j'ai pareil beaucoup écouté. J'ai beaucoup écouté au début parce que c'était les Daft Punk et que oh mon dieu, c'est les Daft Punk, j'en suis fan, il faut que j'écoute. J'étais un peu sur ma faim le jour où j'ai vu le film au cinéma. Mais il n'empêche que la bande-son reste quand même une bande-son que j'aime beaucoup. Et pour laquelle, même s'ils sont pas tout seuls, ils sont avec l'orchestre, un orchestre anglais, il me semble. Mais c'est quand même assez. Ils ont tenté plusieurs styles, plusieurs variantes de leur style, et. Bon. Je suis moins fan de leur évolution maintenant. Random Access Memory est sympa à écouter, mais j'ai moins apprécié. J'étais un peu déçu quand j'ai quand ils ont fait le Get Lucky, j'étais un peu moins fan. Parce que pour moi, Daft Punk, c'est pas spécialement une chanson où t'as une voix humaine. Là, quand t'entends One More Time, il y a des paroles, du texte. Mais on dirait, t'as pas l'impression que c'est un chanteur qui est derrière son micro. Alors que là, Random Access Memory, j'étais un peu plus déçu de certains morceaux. On revient un peu dans le conceptuel qui me plaît moins. Ouais, je suis vraiment plus la période au milieu, en fait, actuellement. Peut-être qu'ils reviennent plus dans le côté remix, dans le côté on reprend des morceaux à droite à gauche qui ont bien marché, on remet tout à notre sauce, plus qu'entre guillemets la création elle-même en rajoutant une voix. Mais ils sont très bons, dans Random Access Memory est très bon, mais ils évoluent, ils évoluent, ils revoient les, Ils revoient un peu les tendances actuelles à leur sauce qui sont très très bonnes, mais c'est moins ma tasse de thé. Alors on a vu un titre un peu plus calme, on a vu deux titres plutôt actifs, au remuant. T'as dit que pourtant que t'aimais pas trop sortir, aller dans les fêtes, tout ça, tu es plus du genre à, entre guillemets, remuer ton boule tout seul, ou alors c'est vraiment quelque chose de plus intériorisé? Tu vas être genre à t'activer comme ça chez toi en faisant le ménage avec de la musique dans les oreilles, ou plus intérieur? Ça me dérange pas, et ça m'arrive de faire, de mettre, oui, bah, de la musique. Je suis plutôt dû à mettre de la musique pour ranger chez moi ou faire un truc un peu pénible. Et ça m'arrive également d'intérioriser, hein, quand je suis dans la rue, enfin quand je suis dans la rue, dans les transports en commun, forcément je garde ça pour, enfin je savoure, mais je garde ça pour moi. Tu vas pas faire un dans la non, rue, c'est pas trop. Je peux en avoir des frissons des fois pour être que j'aime bien, mais je suis plutôt à garder ça pour moi. Quand je suis en public face à dans la rue, je suis pas hyper expressif au premier abord. Est-ce que t'es resté accroché au monde de l'électro comme ça? Découvert d'autres artistes à travers Daft Punk ou autre? Moi maintenant, j'en teste encore un peu. Hein. Je reste accroché à tout nouveau signal de notamment ces deux-là hein, qu'on a mentionné, de Daft Punk et de Justice. Ça c'est un peu, j'ai un peu pareil hein. Quand j'ai commencé à écouter le podcast, j'ai moins écouté de musique et du coup je suis un peu allé voir ailleurs, mais c'est quand j'ai commencé un peu à lâcher les podcasts, j'ai recentré un peu plus et du coup certains trucs ont disparu. Il y a une époque où j'avais testé dead mouse, j'ai essayé aussi pendulum notamment. Ouais, que j'aime beaucoup. Il y avait également Bordy Nam Nam qui était sympa. Ça m'arrive d'en écouter de temps en temps, mais c'est vu que j'écoute moins de musique, je suis plus concentré sur certains artistes que j'apprécie vraiment beaucoup. Après, je suis pas fermé à la nouveauté, hein. Mais j'irai pas forcément voir de moi-même. Ou alors, faut vraiment qu'on arrive, bah, comme là où durant l'été, vu qu'il y avait moins d'émissions à écouter. Forcément, je suis allé un peu plus se tester à droite à gauche sur Spotify. Un gros gros client de Spotify. Bah. Ou t'es plutôt album, CD téléchargé ou CD acheté à mettre en MP3. Le dernier album, le dernier CD que j'ai acheté, je m'étais posé la question il y a pas longtemps. Alors ça fait plus ou moins un truc de la honte. C'était le premier album de Mika et c'est avant les années 2010. Pendant très longtemps après, quand j'ai découvert mon cousin américain, j'ai beaucoup téléchargé et j'ai le jour en fait où j'ai eu la période où j'ai eu mon premier smartphone, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment où j'ai testé Spotify parce qu'il t'offre un mois gratuit. Oui. Et finalement je me suis dit mais au moins d'avoir accès à un catalogue qui est quand même très développé. Certes il y a des manquements hein, mais il est quand même très développé et ça m'arrive de rencontrer quelques limites, mais dans l'ensemble, je m'y plais plutôt bien. Maintenant, je serais clairement resté à Spotify et je paye mon abonnement tous les mois. Et avec le combo d'une enceinte Bluetooth chez moi, c'est le truc ultime, quoi. Tu restes bloqué sur Spotify, même si t'as beaucoup de podcasts, tu continues à écouter quand même un petit peu de musique à côté. Ah, ça m'arrive quand même de temps en temps, hein. C'est parce que ça m'arrive quand tu écoutes un podcast qui sont parfois très intéressants et que j'aime beaucoup même mais qui parlent. Des fois après t'as envie un peu de t'aérer la tête quand genre je suis un week-end ou genre un dimanche chez moi que je prévois pas de sortir et que ça m'arrive d'écouter du podcast et de temps en temps j'en ai un peu marre de la parlotte et j'ai un peu envie de changer d'air et du coup je mets de la musique ou même pour me motiver. La musique, il y arrive plus facilement que le podcast. C'est vrai que pour faire son ménage, la musique, c'est peut-être un petit peu plus puissant que France Culture, c'est vrai. Il y a un peu de ça aussi, ouais. Ou même, il y a un peu de ça aussi. Mais pareil, pour les tâches un peu longues et répétitives aussi. En voiture, j'écoute beaucoup plus de musique que de podcast. Parce qu'en voiture, à moins que ce soit un podcast un peu léger ou un peu... Ouais, un peu léger et là qui va être agréable à écouter tout en restant concentré sur la route. Autrement, je préfère écouter du podcast et j'ai une playlist que je renouvelle régulièrement où je mets ce que j'aime bien et j'actualise de temps en temps. Elle me fait, je crois, elle me fait 4 ou 5 heures et du coup, je peux la lancer et me faire un voyage de 3 heures sans avoir à zapper et à changer une seule musique et j'aurais pas vu le temps passer. Alors, on était sur la route, tu nous parlais de la route, donc on va en profiter, on va rester sur la route avec Junkie XL, Brothers in Arms, sur la bande originale de Mad Max Fury Road, sortie en 2015. De là où j'aime bien là. Justement, c'est pas de là où on va parler. Oui. Moche. Alors je crois que Mad Max Fury Road, c'est peut-être une des rares bandes originales, ne surtout pas écouter au volant, s'il y a moyen de faire vraiment faire des conneries. Pourtant, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Quand tu Oula. Mets. T'es sûr que c'est Brother in Arms que t'as mis? J'ai récupéré la bande originale complète. D'accord, bah, c'est pas grave, mais j'avais listé Brother in Arms, mais la bande originale en lance dans l'ensemble est quand même appréciable à écouter, hein. C'est... Bah, Mad Max Fury Road, je crois que je l'ai déjà dit sur les réseaux sociaux et ailleurs, c'est vraiment, c'était une des plus grosses claques que j'ai eues au cinéma, d'un film que j'avais, où la bande-annonce me disait clairement, j'irai jamais voir ce truc, c'est dégueulasse, ça me donne pas envie. J'en suis ressorti en me disant mais c'est génial, il faut que je le revoie et le re-revoie et que je le revoie jusqu'à la fin de ma vie. Et clairement, la bande originale permet dans beaucoup de cas de faire... J'écoute beaucoup de bandes originales et sur celle-ci, elle me permet de continuer d'apprécier l'expérience de ce film que je mets encore dans mon top, je le mets très très haut dans mon top 10. Après, est-ce que ce film-là, c'était une révélation? Dans le sens action, bande originale qui pue sa mort, effet visuel, réalisation, pas forcément le scénario non plus, mais est-ce que pour toi, ça a été un déclic? Je pourrais pas dire spécialement déclic, mais... Je veux dire, c'est une bande originale de film. C'est la première que tu nous proposes. Oui. Et c'est pas la première qu'il y aura dans la playlist. Je me demandais justement. Es très friand. La chanson Lily d'A. Enfin, U-turn de Aaron, extrait du film Je veux bien ne t'en fais pas. Donc c'est... Oui, c'est un film français, c'est chiant ça. Mais il est. Ah, il est pâle, c'est pas le meilleur du monde, mais il est quand même sympathique. On va dire ça. Donc à côté de Mad Max Fury Road, ah oui, Aaron, il c'est un pas petit à peu différent, quoi. Pff, des clics, je sais pas, c'est... Bah, comme je le disais, c'est clairement pas le genre de film que je serais allé voir. Enfin, où la bande-annonce me donnait pas envie, parce que c'est pas spécialement le domaine que j'aime. C'est... Alors, je vais peut-être pas me faire que des amis, mais c'est un peu comme le Seigneur des Anneaux, où c'est un environnement qui est hyper visuellement qui est très marqué en fait. Quand tu vois une image, quand tu vois l'environnement, ça transpire Mad Max, ça transpire Mad Max quoi. Les véhicules, ça se repère et c'est visible tout de suite en fait. Et clairement, ça me donnait pas vraiment envie parce qu'en plus, le début est un peu glauque, un peu bizarre, mais c'est compliqué à dire. Hein. Des clics pas spécialement, mais gros coup de cœur par contre. Est-ce que depuis Mad Max Fury Road, tu as envie de sillonner les routes de France à bord de ton Interceptor en allant très très vite avec des lunettes de soleil? Ah où oui ça, où ça t'a passé? Oui, et ça m'est arrivé quand dans voiture, tu prends la voiture, quand t'es sur l'autoroute, à un moment tu usas jusqu'à avoir cette fameuse chanson qui est une préférée qui est Brother in Arms, et alors là, mais j'en ai des frissons, et là j'ai l'impression d'être au bord ouais, de ce fameux camion dont j'ai oublié le nom, et de Et ouais, c'est un de mes instants préférés quand j'écoute de la musique, ouais. Est-ce que ça ne marche pas mieux avec l'autre morceau, je crois que c'est Storm is Coming ou un truc comme ça, où t'as vraiment la grosse déferlante puissante, ce passage dans le film où ils vont tous dans une tempête de sable, un peu la violence. Il y en a une autre que j'aime bien, où j'ai oublié le titre, où on entend un passage de guitare électrique qui est synchronisé, et qui dans le film est synchronisé avec le guitariste qu'on voit à l'image, dans le BO de Mad Max que je mettrai en deuxième et que j'apprécie le plus. Ça s'appelle Chapter Doof. Ah oui, c'est le passage avec tous les tambours de guerre et ce guitariste c'est ça, fou voilà, avec quoi. Le lance-flamme. Le moment avec ce guitariste et ce guitariste et ce... Oh là là, c'est... Mais il en a chié pour enregistrer ça. Ah mais je doute pas, hein. Oui, vu qu'en plus il a fait en sorte de pas avoir, enfin de réduire, de moins avoir, de faire tourner les scènes en ayant le moins d'effets spéciaux possible. Oui, forcément, je doute bien qu'il a dû en galérer. Et quand tu vois les photos du film, tu vois que les véhicules, tu fais ah bah en fait c'est le même que j'ai à l'image quoi. Tu te dis bien que ouais ça a dû être une plaie pas possible, mais que finalement. Je connais pas, j'ai pas vu d'autres films, enfin de ce que j'ai vu de mal à passer dans le cinéma que j'ai pas vu d'autres films qui aient cette même sensation d'action et qui transpire cette même énergie visuellement en fait. Ou franchement ce film accompagné de la musique évidemment, hein, la musique qui est pour beaucoup, tu te poses dans ton siège au cinéma. T'es en apnée du début jusqu'au générique final, quoi. Il y a quelques moments où t'as le temps de reprendre un peu tes respirations, mais c'est ça pulse, ça bouge. T'as envie d'aller avec eux et t'as envie de bouger et de faire le parcours du combattant et de t'agiter et ça me donne envie de faire plein de trucs quand j'écoute ça et ça me donne l'énergie et j'ai l'impression d'oublier toutes les galères que je peux avoir dans mon personnellement en fait. Notamment quand je disais bah conduire et tu mets ça et franchement je pourrais rouler 500-600 bornes, ça me dérangerait pas parce que t'as ça et que ça te donne envie de... T'as l'impression d'être comme Furiosa quoi. Alors je tiens à donner deux informations. D'une Junkie XL, hein, de ce compositeur, porte un béret. Donc pourquoi pas, apparemment il est originaire des Pays-Bas. Et ensuite, est-ce que tu vas le suivre dans sa carrière future ce mec là Bah oui, j'ai découvert ce nom Junkie XL avec Mad Max et oui clairement c'est... Je sais qu'il, je crois qu'il a fait la BO de Batman vs Superman si j'ai pas de bêtises. J'ai pas vu le film donc... Mais oui, clairement, quand je l'ai pas écouté. Du coup, juste une piste, Wonder Woman. Je vais juste vous dire ça, vous allez comprendre. Voilà. On en parlait dans la bande dans la playlist de Laurent Doucet. C'est tu vas juste écouter le thème de Wonder Woman. D'accord. Ah mais oui, il me semble qu'il en parle. Oui, ça me dit quelque chose. Mais oui, clairement, c'est comme Hans Zimmer que j'avais classé depuis longtemps. Dans les compositeurs de musique de BO de films que j'apprécie beaucoup, oui clairement celui-là il est au même niveau que Hans Zimmer au niveau de l'intérêt que je leur porte. Après j'écoute beaucoup de bandes originales, j'arrive pas à écouter. Par contre j'écoute beaucoup de bandes originales de films ou de séries, mais il faut que j'ai vu le truc, il faut que j'ai vu le film, j'ai du mal à me... forcément, hein, quand t'écoutes une bande originale ou sans avoir vu le truc, tu fais ouais, ça peut être très bien. Hein. Mais t'as pas ce retour d'émotion quand j'écoute Mad Max, les émotions qui remontent, elles sont liées au moment que j'ai passé dans la salle. Et quand j'écoutais une bande annonce d'un film que j'ai pas vu, c'est certes très bien. Hein, mais il y a moins cette sensation là et du coup, c'est... Ça me donne moins envie de les écouter. Sachant que ce monsieur va faire la bande originale de Justice League en 2017, avec Jack Snyder, je pense que ça risque d'être un petit peu bizarre. Alors encore danse, encore qui bouge, on danse pas trop sur celui-là quand même. C'est vraiment ce truc hors du commun, ce film-là qui t'a vraiment fait aimer ce genre de morceau. C'est clairement le film qui me fait apprécier, enfin qui m'a fait découvrir et qui fait que ce... Je pense que le film étant dans le top, dans mon top, je pense que, enfin, les deux sont très liés. Hein, et si par hasard, je sais pas pourquoi, un jour ça s'effondre et que j'en ai 10 autres qui sont au-dessus, je pense que la musique tombera également dans mon top et que si on ferait une playlist à ce moment-là, clairement elle n'y serait plus. Hein, je pense que les deux sont très liés et que ça vaut le plaisir que j'ai à écouter et réécouter cette bande originale et surtout ces morceaux que j'ai cités viennent des émotions et des impressions que j'ai eues. Et certains morceaux, je pourrais te remettre à quel moment dans le film s'est passé. Et je pourrais presque, il y a certains même passages dans la musique où je revois très bien ce qui se passe à l'image durant ce film. Hein. Tellement je les ai appréciés et regardés, et j'ai revu ce film déjà un nombre incalculable de fois, et cette bande originale aussi, du coup, le plaisir que j'ai, enfin, c'est bête à dire, mais le plaisir même que j'ai des fois à revoir ce film, j'en suis presque ému, quoi. T'as des scènes où t'as une de tes musiques favorites, avec un des films que t'adores, et que, et avec lequel, enfin, tu sais, même si tu sais ce qui va se passer, tu savoures tellement que, il y a certaines scènes où j'en suis presque ému tellement j'ai apprécié. Tu n'as pas refait toi-même le What a Day, What a Lovely Day? Non, c'est pas, non, pas spécialement, non. Oh, je suis extrêmement déçu. Bon, on va continuer dans le cinéma. Je vais même pas dire ce que c'est, de toute façon. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. Alors c'est un peu plus vieux pour le coup. Oui, un petit peu, c'est très très légèrement 1994 sur la bande originale de Pulp Fiction. Alors évidemment, j'ai dit que tu étais maître de cérémonie d'un podcast en pause. Oui. Et ben c'est d'un podcast cinéma, donc ça tombe très bien. Oui. Pourquoi ce titre-là et pourquoi surtout ce titre issu d'un film? Parce que... Alors le film n'est pas dans mon... Il est bien placé, mais n'est pas dans mon top 10 si je devais en faire un. Mais... Si seulement tu devais en faire un. Non, mais... J'aime bien Pulp Fiction, j'ai découvert il y a très longtemps, alors que je sais que c'est un des classiques du cinéma. J'ai découvert un peu par hasard en fouillant dans Netflix, dans mes recommandations. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette scène dans laquelle tu entends cette bande originale de Girl, You Will Be a Woman Soon, avec Uma Thurman qui danse dans le salon et il s'appelle... Volta. Travolta qui est dans la salle de bain et je sais plus ce qu'il dit, mais genre il dit tu bois un coup et tu te casses, quoi, pour faire simple. Et je sais pas, revoir cette scène où tu vois Emma Thurman devant cet énorme je sais même pas ce que c'est comme appareil, mais ce gros truc où elle appuie sur play, je sais pas, il y a un côté un peu magique, c'est pas le mot, mais je sais pas, cette scène est mythique, et cette scène est tellement... J'ai l'impression qu'elle est mythique, en fait. Je sais pas vraiment si c'est une des... Ce film, il y a tellement de punchline dans ce film, que ce soit ce moment-là ou après, et ce morceau-là, les morceaux d'avant, j'associais à Mad Max, cette chanson-là, clairement, elle est associée à Pulp Fiction, et j'ai plein de punchlines qui me viennent en tête à chaque fois. C'est clairement pas mon style ni ma génération. Quand il est sorti, j'étais né depuis pas très longtemps. Hein. Mais l'appréciation que j'en ai eue durant le visionnage sur mon ordinateur a fait que ce morceau est dans mon top 10. Et Huge Overkill, je connais pas spécialement. C'est juste ce morceau-là. parce que c'est associé au film. Alors, ça fait deux fois que tu lâches un mot intéressant, Netflix. Oui. Et Spotify. Tu es oui. extrêmement consommateur de l'abonnement film, abonnement musique. Tu fais partie de cette culture-là, entre guillemets. Oui, Netflix, oui. Alors, mon raisonnement qui peut être discutable, c'est on peut avoir accès à des trucs légalement, donc pourquoi pirater tant qu'on peut payer, avoir des choses légalement, quoi. C'était mon raisonnement sur Spotify, hein, c'était à l'époque où de mes premiers jobs d'été où je me suis dit, je me suis fait deux gros salaires durant mon été où j'en ai bien bavé, alors je peux me, entre guillemets, me faire plaisir à prendre de la musique légalement et rémunérer ces artistes que j'apprécie, même si avec leur vente, ils se font déjà parfois, ou même lors de leurs concerts, ils se font beaucoup, ils se font suffisamment d'argent, hein, mais c'est mon raisonnement. Et Netflix, il y a également, Netflix à la base c'était un peu pour tester en fait, parce que tout le monde en parlait et que ça a été presque 5-6 mois après leur sortie, que après la sortie en France de Netflix, que j'ai essayé. Et je connaissais déjà certaines séries que j'avais piratées, notamment House of Cards, et ils font tellement de productions, enfin il y a tellement de trucs originaux Netflix, que ce soit Orange is the New Black, que ce soit Daredevil, ou Jessica Jones, ou plus récemment The Get Down, qui est quelque chose de musical que j'ai vu, que j'ai binge-watché en une soirée et demie et que j'ai adoré. Donc oui, je suis beaucoup consommateur de ça. Limite, ça m'arrive encore de pirater parce qu'il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas disponibles, ou alors parce que je suis pas multiplateforme, c'est j'ai Spotify pour la musique et Netflix pour ça, et j'en paye pas d'autres ailleurs, alors je pourrais prendre les trucs genre Canal Play ou les trucs que propose mon opérateur, mais du coup je pirate encore beaucoup pour ce qui n'est pas disponible, notamment dû à la chronologie des médias en France qui fait que c'est vachement... Pardon, la publication est très retardée, mais je consomme beaucoup comme ça. Pardon de te couper. Peut-être que c'est une question de génération et que les plus anciens sont moins adeptes et que les plus récents... Netflix, je me suis aussi payé en fait parce que quand j'ai eu mes premiers salaires, autre que mes jobs d'été, hein, quand j'ai eu mes premiers salaires en ayant un boulot que j'ai eu en conséquence des études que j'ai faites, hein, parce qu'autrement je pense que je me le serais pas payé et j'aurais continué à télécharger. Spotify c'était un peu pareil, mais à l'époque je vivais encore chez mes parents et du coup ça a été lié au fait que j'ai pendant 2 ans sur mon BTS j'avais beaucoup de temps de transport le matin et le soir pour aller dans le lycée où se déroulaient mes études. Et donc du coup, j'en ai beaucoup consommé comme ça, en fait. Est-ce que, entre guillemets, Netflix et Spotify, c'est un peu le symbole de l'indépendance, de l'accès à la culture? Le symbole de « j'ai de l'argent, ça y est, je peux accéder moi-même à la culture, je suis chez moi, je peux regarder ce que je veux, je fais ce que je veux ». C'est un peu à cette époque-là, à commencer? Il y a un peu de ça. Bah, l'avantage de Netflix, même si c'est... Le problème, en tout cas, qui est en France, c'est que le catalogue n'étant pas spécialement... Enfin, et le catalogue étant restreint sur certains points, t'as un accès à la culture, ouais, oui, forcément. Mais t'as un accès qui est conditionné par les contraintes qu'a Netflix en France. Spotify, c'était plus... Spotify, au tout début, j'écoutais les mêmes choses que j'écoutais sur mes CD. Et même maintenant, je tente des trucs de temps en temps et je suis abonné à des playlists qui s'actualisent régulièrement où je teste, des fois je fais « Oh tiens, ça j'aime bien, pouf, j'ajoute » et autrement ça dégage. Mais Spotify, c'est un peu par facilité. Je pense que depuis le temps que je suis abonné à Spotify, j'aurais pu, je pense, me payer tout ça en CD ou en achat digital sur les différentes plateformes de... Pas forcément iTunes, vu que j'ai pas de truc Apple, mais sur les différents types d'autres sites. Mais c'est un peu par facilité, quoi. C'est, je mets mes 9,90 par mois et j'ai accès facilement avec une application et tout un écosystème qui est plutôt bien développé. Netflix, vraiment à la base c'était pour essayer parce que tout le monde en parlait. Je me suis dit t'as un mois gratuit donc tu vas tester et au pire si ça va pas tu te désabonnes juste après. Et même à l'époque où je me suis abonné, donc forcément faut rentrer ta carte bancaire et si tu le désactives pas le mois suivant, pouf, il te débite la somme de l'abonnement en conséquence que tu as pris. Et la première fois que j'ai pris moi de test, je me suis désabonné dans la foulée pour pas qu'on prélève sans que je m'en rende compte. Et finalement, après j'ai poursuivi et je suis un très gros consommateur des productions Netflix en fait. Et je teste des trucs au pif de temps en temps, mais je suis beaucoup consommateur de l'effet de mode. Hein. On a parlé de The Get Down, j'ai regardé The Get Down. On a parlé de Stranger Things, j'ai testé Stranger Things. On a parlé de Daredevil, j'ai testé. Ça m'arrive de voir ailleurs et de tester des trucs un peu plus moins connus ou de refaire des classiques qui sont disponibles dessus, qui sont soit plus vieux que moi, soit que je n'avais pas pris le temps de voir. Mais voilà. Et notamment, comme je disais, Pulp Fiction, pour revenir à cette chanson, c'est vraiment parce qu'il y a eu la pochette qui s'est affichée. J'ai fait « Oh, vas-y, tiens, on va tester », j'ai cliqué et c'est parti. Autrement, je pense qu'à cette époque, enfin, aujourd'hui, là, en septembre 2016, je l'aurais toujours pas vu, à mon avis. Est-ce que là, maintenant, aujourd'hui, tu ferais la démarche d'aller acheter le CD ou même juste pour la collection, un vinyle d'un album ou d'un titre que tu aimes beaucoup ? Où tu resterais sur cette matériel? Alors actuellement, aujourd'hui, depuis, comme je disais, mon dernier CD il date de 2008. Donc aujourd'hui, je suis tout dans le dématérialisé et je me plais comme ça. Et alors pourtant, j'ai des parents qui ont des trucs en dématérialisé, hein, mais pas mal de CD parce qu'ils aiment bien l'objet. Mais moi, ça m'embête en fait. C'est-à-dire que, ça m'embête, c'est... Mon moyen de consommer la musique a un peu varié. C'est-à-dire que je suis pas trop... Au tout début, quand j'étais plus jeune, t'achetais ou tu empruntais un CD, tu te l'écoutais d'une traite. Tu te disais pas, je vais m'écouter telle chanson de ça. C'était pénible de changer de CD ou même de cassette audio, parce que j'ai connu un peu les cassettes audio quand même. Dieu bénisse cet homme. Pas très longtemps, hein, mais parce que mes frères ne l'ont pas connu ou très peu. Mais c'est un problème parce que, clairement, je m'achète pas de vinyle et c'est pas je me dis pas un jour j'aurai des vinyles, une collection de vinyles ou une collection de CD. Je comprends ceux qui en achètent moins les CD, mais les vinyles, je peux comprendre pour le principe de l'objet parce que c'est quand même esthétique, c'est toute une ambiance, mais c'est clairement pas quelque chose qui m'attire. Alors pourtant, ça pourrait être intéressant, j'en sais rien, quel le moyen de... je sais pas. Tu sais, t'es une sorte de carte mémoire qui est associée à ton compte, ton Spotify, que tu mets dans n'importe quel appareil et tu fais play et directement ça va choper sur le réseau. Toutes tes chansons et ça les écoute directement, ça pourrait être intéressant, mais non, je suis plus dans les matérialisés. Je l'ai été pendant un temps, je le suis beaucoup moins. Je le suis plus du tout en termes de musique. Après, pour revenir à la consommation de vidéos, parce que tu veux me lancer sur Netflix, c'est un domaine sur lequel ça me dérangerait moins. C'est-à-dire que le jour où j'aurai de quoi me payer une télévision et où j'en aurai l'envie, ce sera pas pour regarder la télé, ce sera pour brancher soit un Chromecast pour regarder Netflix, soit pour m'acheter un lecteur Blu-ray et des Blu-ray pour les regarder. Et là, par contre, pour me dire, j'ai cette collection de films. Voilà. Beaucoup moins pour la musique. Mais ce serait vraiment juste pour les films et pas pour la musique. Ouais. Même si Daft Punk, ça me dit... On m'offre la discographie, je dis merci, je la garde et c'est appréciable. Mais... tu vois, là, j'ai une Shinifi, je crois que j'ai jamais utilisé la fonction lecteur CD qui est dessus. Même mon autoradio dans la voiture, un jour, j'ai prêté ma voiture, on m'a dit « Ah, il marche pas ton lecteur CD !» Bah écoute, j'en sais rien, je l'ai jamais utilisé, et donc je pourrais pas te dire. Bon, on va passer à la... Alors, Et quand même rajouter un petit quelque chose, vu que tu as refait trois fois ta playlist, j'avais vu passer des choses. Et cette histoire de Netflix, grand consommateur de séries, ça fait écho à ce que tu avais choisi dans d'autres playlists. Ça m'étonne pas vraiment. Le thème de Dexter, peut-être ? Ah oui, oui, oui, oui. Oui, c'est... Bah, pourtant, Dexter, je l'ai pas découvert sur Netflix. Je l'ai découvert avant. Le principe avant. De la série, le principe de regarder comme ça, bah, ça c'est pareil. Ça fait partie toujours des... un titre lié à quelque chose, pas un titre en lui-même. Ouais, mais Dexter, c'est un peu... Toujours pareil, hein. Cette musique, elle me rappelle... Pour ceux qui ne voient pas, c'est le morceau qu'on avait lors des génériques de fin de Dexter. Alors, je sais pas si c'était pendant toutes les séries, pendant toutes les saisons ou pas, mais ça fait partie des premières séries que j'ai vraiment regardées. C'est à l'époque où j'étais au lycée, en internat, et on s'échangeait des séries et des films sur nos clés USB qu'on regardait sur sur des lecteurs DVD portables qui avaient une résolution à chier. Mais c'est comme ça, je me souviens, je m'étais acheté mon lecteur DVD portable qui doit encore être chez mes parents. Hein. Et je l'avais ressorti à une époque et franchement ça pique, mais et pour ce morceau précisément, c'était parce que je sais pas, il y a à la fin d'un épisode de Dexter, il y avait une j'étais dans une ambiance un peu particulière, c'est-à-dire qu'il y avait quand tu l'écoutes, je sais pas, il y a une ambiance un peu bizarre en fait, ce personnage qui est Dexter qui joue un double flic le jour et meurtrier la nuit, ça mène une ambiance, il réussit à guider une ambiance un peu particulière dans la série. Et quand j'écoute ce morceau, ça me rappelle cette ambiance dans laquelle j'étais quand je fermais ce fameux lecteur DVD portable et que je me couchais quand j'étais au lycée, enfin en internat au lycée en fait. Il était 1h du matin et que tu avais regardé pendant 1h30 le truc et qu'il fallait surtout pas c'est faire ça. Pour pas se faire repérer par les surveillants. Ah non, ça c'était pas forcément, c'était pas... Alors oui, la condition c'est que à partir de en première et terminale, on avait des chambres individuelles, du coup je pouvais regarder ce que je voulais jusqu'à 1h du matin, ça se voyait pas et tant que le lendemain j'étais en cours à 8h... On s'en foutait, quoi. Mais oui, j'ai fait des soirées où, ouais, je finissais un peu tard parce que je dévorais ces séries-là et... Ouais, ça fait partie, que ce soit Dexter, il y a eu quoi, Oh, I Met Your Mother, il y a eu South Park à l'époque, il y a eu... Oh là là, il y en a tellement eu. Il y a Chuck également, pour citer que ça. Ça fait partie... Cette période-là, là, c'est l'adolescence... Vers 2009, 2010, 2011, où vraiment, où j'ai un peu, parce qu'on était on était quatre potes en fait, où on se matait des films parce qu'on adorait ça, on matait les séries, les épisodes de séries soit ensemble, ou alors on se les regardait des fois le week-end et on fait ah t'as regardé ça et tout ça, et c'est vraiment à ce moment-là où au niveau film et enfin au niveau l'audiovisuel, c'est vraiment à ce moment-là où je me suis fait la. Enfin, où j'ai agrandi considérablement la culture audiovisuelle que j'ai maintenant, en fait. Et c'est ce qui m'a un peu lancé là-dedans. Et après, ça a continué avec notamment la période où j'ai eu la chance qu'on m'offre un an de carte illimitée une grande chaîne de cinéma français. C'est à peu près la même période. Et du coup, je pense que ça a été l'amorce et que cette fameuse carte que j'avais... a continué dans cette amorce que j'avais, et je l'ai toujours maintenant où je vais au cinéma. Alors ça dépend des périodes, mais je vais toujours au cinéma régulièrement quand j'en ai parce que je m'emmerde chez moi, que je sais pas quoi faire, j'ai pas envie de jouer, j'ai personne à voir ce jour-là parce que pas de bol, et du coup je me dis tiens, on va regarder sur Allociné et cette affiche-là, elle me fait envie, ou alors cette bonne annonce, elle me donne envie, du coup, on va tester, quoi. Et vraiment, ouais, c'est la partie 2009, 2000... ouais, c'est ça, hein, même 2008, 2009, 2010, 2011, à peu près là, par là, où vraiment, c'est vraiment le moment où j'ai pu s'écouter. On va continuer sur une autre série, on va retourner à l'électro, avec PV Nova, Take Me For A Ride, Holy Oyster Cover, j'ai pas trouvé d'album, je sais pas, j'ai même pas trouvé d'année. free yourself, finally get out of yourself. You say there's a place where we used to hide, when no one ever asks what you got on your mind. You say it's a place where the trees go so high, that if you reach the top you can take out. Plus calme, Ivinova. Oui. Je connais pas du tout, même pas de nom. Qu'est-ce que c'est ? C'est un youtubeur français qui est principalement, qui est également musicien, chanteur et compositeur. Qui a une chaîne que j'ai découvert via sa chaîne YouTube. Là, pour le morceau qu'on est en train d'entendre, je l'ai. Enfin, j'aime beaucoup le morceau. Je l'ai pas mis parce que j'aimais bien le groupe de lequel il a fait la reprise. J'ai mis parce que c'est lui qui l'a fait et qui a mis sa patte. Et que j'aime bien ce style, en fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, j'aime beaucoup son travail. Il a une manière de présenter, d'expliquer les choses. Il a un style à lui. Il a une manière un peu fun de présenter les choses, mais avec un peu de sérieux derrière. Et quand des fois, dans ses vidéos, il fait des compositions sur un style X ou Y, j'ai toujours envie, après, derrière, et on le voit dans les commentaires de sa chaîne, d'avoir une version longue, une version de 3 minutes, quoi. Et quand celle-ci, je l'ai entendue, je me suis dit « Oh, vite, faut que je la mette dans la playlist », parce que dès le début, j'avais envie d'en mettre un de ses morceaux. Il a un album qu'il a fait en 2009, je crois, que j'aime bien, mais je suis un peu moins fan. Je préfère ce qu'il fait maintenant, et notamment la patte qu'il a, notamment sur cette fameuse reprise. Je sais pas, il dégage, il a un style de faire qui... Même si le style est un... J'aime bien le côté un peu posé, un peu calme qu'il peut avoir dans ce qu'il fait, en fait. Là, j'ai l'impression qu'on mêle deux choses, à la fois le calme et à la fois l'électro. Il y a un peu de ça aussi, c'est vrai. Même si je l'ai... Peut-être inconsciemment, les deux sont liés, mais quand je l'ai écouté, c'était pas en l'appréciant pour pour l'électro. Mais oui, il y en a toujours... Enfin, comme je te dis, ça m'arrive d'en écouter un peu de temps en temps, et quand des fois il y en a, ça me dérange pas d'en avoir. Il y a également le fait qu'écoutant le podcast Les Sondiers, même si je ne fais pas de son... Tu fais du podcast, tu fais un petit peu de son quand même. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai juste un micro USB que je branche sur mon ordi, en fait. Je ne fais pas de son autrement, je veux dire en termes musical. Mais j'ai quand même eu la curiosité sur cette chanson-là. Je me suis surpris à, quand tu l'écoutes avec un casque ou des oreillettes, à me dire « Ah, il a fait ça comme ça !» Et « Ah, t'entends ce petit bruit !» Ou des fois, tu vois dans ce fameux clip, il joue des instruments de musique. Et je me suis amusé à me dire « Ah, mais attends, est-ce qu'on l'entend vraiment ?» Ou « Ah oui, entendant l'oreille, on l'entend. » Et j'ai été curieux d'aller un peu plus loin, en fait. Parce que pour ce morceau-là, il détaille pas la manière dont il l'a construit. Mais dans beaucoup de ses vidéos, bah, il présente un style, et donc il présente la manière dont ça se construit. Et à un moment, on met telle basse, à un moment, on met ces fameux quatre accords magiques qu'on ressort à toutes les sauces. Et j'aime bien aussi ce côté-là où il nous détaille un peu ce qu'il fait. Alors pourtant, je suis pas très à l'aise avec ça. Je connais le traitement du signal vu que je travaille dans l'électronique, c'est un domaine que je côtoie tous les jours. Mais au niveau de la composition, j'en fais pas. Mais je suis quand même curieux de ce domaine-là. Et il s'est fait connaître juste par YouTube ? Oui, il est connu. Et puis Vinova, il est connu beaucoup pour YouTube. Hein. Il est actif de temps en temps sur sa chaîne. Il a également fait le comité de reprise que j'ai beaucoup aimé, où là il était également avec Wax, où il se faisait, il prenait une vidéo, en fait ils invitaient un artiste. Alors il y a eu The Do, il y a eu comme il s'appelle, Big Flo et Oli, il y a eu les Casseurs Flotteurs et d'autres grands artistes que j'ai oubliés. Mais oui, il est très actif sur YouTube, et son actif principal, c'est sur YouTube, où il apporte, il est très souvent lié à la musique. Si vous connaissez également Rock Macabre de French Nerd, qui a été fait notamment avec François Descraques, c'est lui qui est impliqué dans toutes les musiques qu'on peut entendre. Donc oui, il est musicien et vidéaste, et les deux sont très liés pour lui. Et c'est comme ça, je l'ai connu principalement en tant que vidéaste, et avant ensuite de continuer de découvrir plutôt son côté musical, notamment pour son album qu'il a fait tout seul de bout en bout, de la composition jusqu'à la production. Est-ce que toi, ça te donne pas envie, enfin, avec quelqu'un comme lui qui montre un peu les ficelles, comment il a fait ça, ça te donne pas envie d'en faire ? De la musique ? Ouais, même si ce sera nul au départ, ça c'est pas le problème, ça te donne même pas envie d'essayer. J'ai pris des cours de musique quand j'étais plus jeune, j'ai fait de la flûte traversière pour ceux que ça intéresse. Ah mon dieu, tout le monde a fait cette horreur. Ah non, c'était la flûte à bec au collège. Non, moi, du coup, vu que j'ai fait de la flûte traversière durant étant plus jeune, j'ai également fait de la chorale quand j'étais plus jeune. Oh là là là là. À l'époque, oui, à l'époque du film Les Choristes. Et les films Les Choristes, oh là t'inquiète là, pas. C'était vraiment pas la bonne époque. J'en ai tellement, je te jure, le film Les Choristes, les chansons, je les ai tellement chantées un nombre de fois incalculable que je pense que tu me mets une chanson, je pourrais recaler les paroles à chaque fois ou presque. Moi tout seul, peut-être pas. Parce que c'est pas quelque chose que dont... Même si t'as des personnes comme lui qui aiment bien expliquer comment on compose une musique, les couches qu'on peut y poser pour avoir un thème dans tel style, et également combiné à des podcasts comme je vais mentionner Les Sondiers, qui est un podcast que j'aime beaucoup, où il présente plus le côté technique qui m'intéresse. Pas spécialement. Aujourd'hui, je suis à la recherche de créativité. J'en ai fait notamment dans le podcast À l'affiche. Je m'en suis un peu lassé. Le format que je présentais, je m'en suis un peu lassé et un peu pas écœuré, mais j'en suis un peu déçu. Les émissions sont très bien et ça m'arrivait de les écouter, même si j'aime pas écouter ma voix. Je me suis réécouté et mes émissions sont très intéressantes. Aujourd'hui, je chercherais plus à faire à recréer un podcast qu'à faire de la musique. Et on retrouve comme les deux sont appelés parce que dans un podcast, dans les premiers podcasts que j'ai fait, notamment les premières émissions, c'était juste des simples morceaux de musique que je mettais, où je faisais l'énorme erreur de mettre un morceau complet à la fin de mes émissions. Aujourd'hui, je ne fais pas la même chose, mais du coup, aujourd'hui, tu es quand même lié à faire de la création. Enfin, quand tu fais un podcast, tu fais de la composition. Quand je fais du montage, je veux dire. Il y a eu la MP3 à Paris, où avec mon téléphone en mode dictaphone, j'ai enregistré des sons à droite à gauche, et je les ai montés, je me suis éclaté comme un petit fou à les enregistrer et à les monter. C'était la première fois que je faisais ça, et j'ai apprécié, et j'adorerais refaire ça dans le futur sur des événements X ou Y. Mais même pas cette envie de reprendre le podcast. T'as pas une petite idée qui traîne quand même envie de refaire un truc ? J'en fais déjà avec Techcraft, même si je suis juste oui, mais... entre guillemets, juste avec des gros guillemets, hein, à allumer Mumble et parler. Non, mais de faire le tien, de recréer un autre, d'en faire un à toi. J'adorerais faire un truc, mais j'aimerais pas être dépendant des autres. Dans le sens où faire des critiques cinéma, c'est sympa, mais si t'as pas vu, enfin, mais c'est pénible. Je sais pas comment font des youtubeurs, même peu importe ce qu'on en pense, je sais pas comment fait Durendal pour tenir aussi longtemps et comme ça, parce que franchement, faut être motivé. Alors que pourtant, je vais au cinéma très régulièrement et je pourrais en sortir très souvent. Mais il faudrait j'aimerais bien un format où, à la rigueur, les auditeurs peuvent. À la rigueur, un peu comme fait Walter dans son Apex, où il y a une partie où tu pouvais faire intervenir les auditeurs pour un jeu ou j'en sais rien, faire sur le thème de l'émission suivante, les impliquer là-dedans. Mais j'aimerais plutôt faire un podcast où c'est moi qui le tiens et à la rigueur, on n'entend que moi avec des sons et du montage, mais pas forcément d'invité à toutes les émissions. Peut-être en hors-série, mais pas à toutes les émissions. Parce que ça demande d'aller à la pêche aux invités à chaque fois, même si ça n'a pas été très difficile. Quand je leur disais, j'aimerais faire une émission sur tel film, est-ce que ça te dit de venir ? Généralement, ils me disaient oui. Mais... Tous ceux qui traînent sur le Mumble ici présent, c'est pas très compliqué. Ah oui, j'avais pas vu. Oui, sauf certains, oui, les trois, il y en a beaucoup qui ont participé, ou même d'autres qui ont participé ensuite, quoi. Mais le fait que bah le mec, enfin le la personne qui vient, il vient un peu là. T'as beau leur. Le problème, c'est que je manque d'expérience. C'est-à-dire que quand j'enregistrais, mais à l'affiche, je pense notamment à Solid Wally, qui est le dernier que j'ai fait en vraie mission, on va dire. Avant, après, je m'essayais à deux, trois trucs au pif, où je leur ai dit, bah, ce serait bien de préparer des notes sur ce que vous allez dire. Et j'avais ouvert un Google Doc en leur disant, balancez vos trucs là-dedans, sauf que finalement, juste balancer les notes comme ça, bah, le mec, la personne, elle aura pas de notes. Et ça se trouve, moi, j'en avais mis, mais j'avais mis mes notes à moi, et quand je leur ai dit, bah, vous avez rien mis, ils font, bah ouais, mais vu ce que t'as mis, comment tu veux qu'on balance ces trucs dedans, quoi? Je manque, je pense, un peu d'expérience dans la manière de construire une émission. Et il me faudrait un format. Bah, la playlist est le bon exemple. C'est un top des musiques préférées de chacun de tes invités. Mais du coup, tes invités, tu leur dis, bah, il me faut tes 10 musiques que tu veux caler. Et après, ça demande encore tout ce qui est présentation, lancement et le principe d'interview qu'on est en train de réaliser actuellement. Hein. Mais c'est un truc qui est structuré et c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. J'aime beaucoup un podcast qui s'appelle Ça vient de là, que beaucoup connaissent. Oui, Et dans le Ichwen. principe. Pardon? Ichwen. Oui, et dans le principe, c'est ce que j'aimerais faire. Pas dans le mani... enfin, pas sur le thème, mais dans le truc que tu fais, genre une petite capsule de un quart d'heure, 20 minutes, sur quelque chose de construit et de structuré. Après, tu peux changer le thème, mais t'as une structure de base, et après, tu remplaces juste le thème et les briques, et je sais pas, on a le moment, je sais pas, le moment un peu plus fun, le moment un peu plus sérieux. Après, on a la question des poditeurs, ou là, où le, comme je disais, même si c'est la copie, que ça passerait peut-être pas. Le son mystère, comme fait Walter, par exemple, c'est dans son WAPEX, c'est structuré, et à la fin, t'as le son mystère des auditeurs. C'est quelque chose que j'aimerais bien faire. J'ai eu plusieurs idées qui m'ont trotté dans l'esprit. Je m'étais dit, oh, durant les 2 mois de cet été, j'ai bien une idée qui va me trotter dans la tête, mais pour des raisons personnelles, c'était difficile pour moi cet été, et du coup, j'ai pas pu... j'ai moins eu la motivation, mais c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Ou alors, si je me lance dans un podcast avec quelqu'un, c'est quelqu'un et on le mène à deux, pas quelqu'un où c'est quelqu'un qui change à chaque émission. Parce que je veux quelque chose de structuré. Et je veux pour essayer de tenir dans la longueur et pas galérer et être irrégulier comme j'ai pu l'être dans l'affiche où à des périodes c'était une émission toutes les 2 semaines et à une autre période c'était une émission tous les mois et maintenant c'est une émission depuis. C'est la dernière émission, le dernière critique elle doit dater de avril ou mai par là et la dernière émission elle date de décembre 2015 donc c'est de dire. Je suis dans l'interrogation depuis cette période-là et je veux pas juste faire un truc où c'est tu fais ton émission sur les trucs que tout le monde savent. Pendant très longtemps, j'ai voulu faire quelque chose sur un peu des le saviez-vous dans le sens où sur Huge Overkill dont on a parlé précédemment, il y a des petites anecdotes à savoir. Il y a des j'avais trouvé sur Internet des petites vidéos, des petites sous Wikipédia ou autre, où il te parlait de pourquoi c'était cette musique-là dans tel film, mais au final, d'autres personnes ont très bien fait le travail et je vois pas l'intérêt de juste le reprendre pour le rebalancer en podcast. Il faudrait que j'apporte quelque chose en plus qui soit juste enfin, ma patte. Ça fait très prétentieux dit comme ça, mais quelque chose où on puisse dire, ah, j'aime bien la manière dont toi tu le fais, et pas juste, ah, c'est bien, t'as repris les infos des autres. C'est très sympa à écouter, mais je peux le retrouver ailleurs, fait par d'autres personnes. On va continuer dans la musique. Oui. Mais un truc un peu plus. En plus, j'aime bien celui-là parce que je le connais. Donc, ça me change. 2005, sur Demon Days, Gorillaz, Feel Good Inc. Ou Feel Good Incorporated. Moi, je dis Feel Good Inc. Feel Good. Pas de radio, pas de non. Machin, pas de truc et pas de bidule. Cette petite ligne de basse, elle est vraiment pas dégueu. Ouais. Mais alors pourquoi pas? Je vais pas poser la question pourquoi Feel Good Incorporated de Gorillaz, je pense que c'est évident, mais plutôt pourquoi Gorillaz. Pourquoi c'est évident Feel Good Inc. ou Incorporated comme tu dis. Alors bon, alors pourquoi Feel Good Incorporated? Non mais je veux dire, c'est pourquoi tu dis que ça se semble évident. Oui, enfin elle est très connue et je l'ai découverte très tardivement, et en fait je l'ai découverte cette chanson parce que quand t'es passé à la radio, le rire qu'on entend au début de la chanson, au début du morceau, et qu'on entend également plus à la fin, c'est ce qui m'a intrigué en fait. Et je me suis dit, ah, qu'est-ce que c'est cette musique où on entend un rire un peu bizarre. Et le jour où je l'ai découverte, j'ai découvert Gorillaz. Où finalement, je connaissais déjà pas mal de leur musique, mais je savais pas que c'était Gorillaz en fait. Et après, donc, quand j'ai découvert, c'était Damon Albarn. Qui est quelqu'un, il a une voix un peu qui est discutable. Je sais que certaines personnes que je connais n'aiment pas la tonalité et le ton qu'il donne, mais moi j'aime bien le travail qu'il fait, j'aime bien ce qu'il a fait sur Blur notamment, moins le dernier album, mais j'aime bien. Et sur Gorillaz, c'est plus des chansons spécifiques, c'est-à-dire il y a parce qu'il y en a plein de beaucoup des chansons qui sont connues, hein. Je pense à Feel Good Inc, je pense à Dare, je pense à Clint Eastwood. Oui, Clint Eastwood, voilà, chercher le nom. Parce qu'en plus, celle-ci, je trouve que même si quand tu l'entends, tu sens qu'elle, enfin, elle date de, je pourrais plus te dire l'anecdote de cette chanson, mais elle date quoi. Elle a de l'âge, mais pour autant, tu la réécoutes maintenant, je trouve qu'elle vieillit pas quoi. Tu te dis pas, oh, ça me rappelle telle époque. Tu la réécoutes maintenant, je trouve qu'elle passe encore très bien en fait. À 2005. Ouais, 2005. Ah putain. Et tu l'as découvert quand? Sur le tard, tu m'as dit. Ouais, je l'ai découvert vers 2000, bah, comme par hasard, vers 2000-2009. Tiens, c'est bizarre. Mais je te dis, avant, je pense que je l'avais entendu un paquet de fois à la radio, chez mes parents et tout ça, mais c'est le jour où j'ai découvert que c'était tel morceau et sur YouTube, et je fais, ah ouais, c'est trop bien, et je vais la mettre dans mon iPod et l'écouter. Et voilà, c'est parti comme ça quoi. Et pourtant, j'ai suis plus du tout maintenant. Les derniers albums, notamment c'est On Melancholy ou Melancholy Hill, je sais plus. Pardon si je dis des grosses bêtises. J'ai fait, ah tiens, ils ont sorti un nouvel album, on va le tester. J'en suis pas très fan. Je suis plus fan des gros titres qu'on peut connaître, des grosses. Des chansons un peu plus anciennes et un peu plus connues qu'ils ont faites. Connues, tout est relatif, hein. Mais. Et c'est pour ça, enfin. Oui, voilà, le rire, c'est ce dont on parle maintenant. Exactement ce moment-là. C'est ce moment-là où ce rire-là qui m'a intrigué, en fait. Le moment vers la fin du morceau où tu commences à l'entendre en fond et où le moment tout s'arrête et tu entends juste lui qui est en train de. Cette voix qui est en train de rigoler. C'est ce qui m'a intrigué. Alors, je suis en train de regarder la fiche Wikipédia, merci Wikipédia. Il y a un truc qui me fait très très peur, cinquième album depuis 2014. Ils sont notamment entrés en studio avec Damon Albarn et pourraient donc participer à l'album, notamment Jean-Michel Jarre. Ça me fait très très très peur. Je sais pas. C'est un peu bizarre. Mais est-ce que tu as commencé, tu m'as dit que tu as regardé sur YouTube, est-ce que tu as vu leur clip? Oui. Oui, tu as aussi commencé par leur clip. Ça raconte une histoire. Enfin, oui, ça raconte une histoire. Je sais pas si tout. Je sais pas si dans One More Time, les clips, c'est les extraits du film Interstellar 5555. Je sais pas si là, si en mettant tous les clips bout à bout, il y a un lien qui est fait derrière. Mais oui, les clips sont. Les clips, déjà, c'est que de l'animé, c'est-à-dire qu'on voit pas la tête de Damon Albarn. C'est un peu comme les Daft Punk, c'est-à-dire que c'est des personnages fictifs, là, qui sont uniquement animés. Et on les voit, bah, dans le clip, c'est ça, on les voit vivre, en fait. On les voit, il y a toute une histoire autour de ces personnages-là. On les voit ensemble, il y a une grosse baraque, il y a un mec aux dents pourries, il y a une espèce d'asiatique. Oui, il y a le mec aux cheveux bleus, ouais. Il y a une petition un peu bizarre qui est la représentation du chanteur. Il y a un plus petit, un peu asiatique. Ouais, il y a un guitariste aussi, il me semble. Il y a un mec un peu plus costaud. Voilà, celui visuel que j'ai, il a un tambour, on dirait, une clé dans les mains. Donc c'est un peu bizarre. Peut-être une caisse claire qu'il a explosé parce que c'est le batteur. Ça. Une grande chance. Et t'as gardé ce visuel-là? Je vois qu'on les voit sur beaucoup d'albums comme ça, dessinés. Est-ce que c'est quelque chose qui t'est resté en tête? Est-ce que maintenant, ça fait partie du groupe? Pendant très longtemps, j'avais un visuel de Gorillaz en fond d'écran partout où je pouvais le mettre, que ce soit sur téléphone portable, sur ordinateur. Ça m'est un peu passé, mais pendant quelques temps, ouais, j'aimais bien le visuel qu'ils apportaient. Même si c'était pas... Même si c'est, j'avais pas le même lien que je peux avoir, par exemple, pour certaines musiques, j'associe le film. Là, c'était plus parce que le visuel était joli et pas spécialement parce que derrière, c'était Gorillaz. Je suis en train de regarder le clip en même temps. On les voit quand même dans le clip. On les voit en certains passages ou à certains moments. J'ai pas l'impression qu'ils jouent de leur image tant que ça. C'est vraiment des personnages comme ça qui les représentent, mais sans plus. C'est pas comme les Daft Punk qui se cachent derrière des casques ou autre chose. Il y a vraiment cette idée de bah, des 10 personnages en plus, on peut faire un peu n'importe quoi, mais il y a quand même ces personnes qui restent en live sur scène. Mais c'est un peu différent parce que finalement, Damon Albarn dans sur Blur, tu vois sa tête. Donc tu sais qui c'est et tu peux pas dire on sait pas qui c'est sur Gorillaz. Tu peux pas faire comme les Daft Punk parce que il a fait d'autres groupes et d'autres expériences musicales ailleurs et du coup tu sais à quoi ils ressemblent. Et t'as arrêté de les suivre comme ça, ça t'a plu un peu moins? Bah j'ai c'est encore pas un les que tu vas continuer à découvrir. J'ai moins été fan de leur il y a un des albums où j'ai moins été fan, je crois que c'est Plastic Beach. Ouais, c'est ça, c'est Plastic Beach. J'ai pas été fan de cet album là. Et du coup, dans mon Spotify, pour revenir à ça, j'ai une playlist dans laquelle, à laquelle je suis abonné où t'as toutes les musiques les plus connues de Gorillaz et c'est sur ça que je me réfère. Quand il sortira un nouvel album, j'irai jeter une oreille, mais j'ai du mal à croire que j'y adhérerai autant que j'adhère à leur précédente chanson et notamment à Feel Good Incorporation. Mais alors, c'est marrant, c'est qu'on en revient toujours à cette même période. Oui. Toujours cette période encore de découverte musicale. T'as vraiment forgé tes goûts pour la musique? Ou t'arrives encore aujourd'hui à les fouiller un peu ailleurs? Je sais pas, aller écouter du classique, aller écouter du gros rap qui tâche ou autre chose? Ben, ça m'arrive d'aller tester un peu ailleurs, de tester du rap. Il y a pas longtemps, quand je suis allé voir le film Comment c'est loin, je connaissais les Casseurs Flotteurs, mais je me suis vraiment mis à les écouter après avoir vu ce film là et il y a d'autres trucs comme ça où ça m'arrive d'aller tester d'autres styles, mais j'en reste quand même à ce que j'écoute actuellement en fait. Et je suis abonné à certaines playlists où tu testes, où t'as plein de trucs, genre la playlist top français ou playlist découverte de la semaine où je teste un peu, enfin je l'écoute de temps en temps, mais déjà le fait que j'écoute beaucoup de podcasts fait que je découvre moins, que je vais voir moins voir ailleurs en termes de musique, donc ça engendre que je suis nostalgique, ouais, d'une certaine période un peu, ouais, où c'est cette même période-là où, bah ouais, où j'écoutais, vu que j'avais beaucoup de temps dans les transports ou peu importe. Et du coup, c'est à ce moment-là où je me suis mis à beaucoup écouter de musique et à ce moment-là où, oui, du coup, ça a fait mes styles musicaux de maintenant. Après, j'ai été un peu, pendant un temps, j'ai écouté un peu de Benabar et tout ça parce que c'est ce que mes parents écoutent. Mais j'ai apprécié sur le moment, mais ça, non, enfin, c'est pas pour rester. Je réécoute pas maintenant. Si je l'entends comme ça, ce sera avec plaisir que je lui ferai attention, mais ça s'arrêtera là. Alors, on va même pas changer d'époque. On va aller en 2007, décidément, sur l'album Ghost. On va écouter Welcome Home de Radical Face. Thank you. Alors je m'attendais à un gros truc qui clash, qui explose, qui bouge partout, mais non, tu restes sur du gentil, du sympathique, à croire que tout ce que tu nous as passé au début, c'était vraiment, vraiment hors du commun. Pourquoi du ton rond, du tout doux, du gentil Alors là, pour le coup, le groupe Radical Face, je ne connais pas du tout. Je connais juste cette chanson-là. Je l'ai découverte en écoutant la... parce que cette chanson est passée, a été utilisée notamment à la télévision. Oui, la télé, c'est le mal. De pubs de chemin d'avion ou de plein de gens non, qui se tiennent pour par la main. Nikon, la pub des appareils photo Nikon, il me semble, de mémoire. Et c'est comme ça que j'ai fait ah, elle est jolie, elle est sympathique. Et j'avais noté le titre, je sais plus par quelle occasion. Et après, elle est rentrée dans ma playlist. Et il y a ce côté un peu tout rond, tout doux, tout mignon, un peu de la vie c'est beau, la vie c'est... Pas bisounours pour autant, hein. Mais de la vie c'est beau, et quand j'écoute cette musique, j'ai l'impression d'avoir des images de champs qui sont en train d'être cultivés, de bébés qui sont en train de naître à la maternité, de trucs un peu mignons, quoi, de... Excusez-moi, je vais vomir. Ça va 2 minutes là quand même. Mais je sais bien que c'est pas comme ça et que clairement c'est une vision idéologique. Enfin, c'est une vision. C'est clairement pas le monde réel, mais. J'aime bien ce moment-là aussi. Là. Je sais pas pourquoi. Je pourrais pas le dire. Elle me met dans un. Ouais, c'est un peu. Quand je l'écoute, pareil, j'aime bien. Je suis un peu dans mon cocon, tout doux, tout mignon, tout. Ça fait un peu prétentieux, mais je trouve qu'elle représente bien mon tempérament aussi. C'est pour ça que je réinsiste sur ce que tu nous as passé en premier de musique qui bouge. Ça m'étonne vraiment. Oui, je sais. Parce que je t'associerais volontiers à ce genre de musique. T'ayant rencontré une ou deux fois, tu as plus l'air quelqu'un d'assez calme. Oui. Que d'un gros truc qui bouge et d'excité. Ah, mais je pense que si les gens dans la vraie vie savaient que j'écoute la DC, ils seraient choqués. Hein. Donc tu sais. C'est vraiment le coup de cœur sur, entre guillemets, sur cette pub. Bah, la pub en elle-même, j'en ai plus du tout de souvenir. J'en ai du souvenir que parce que j'ai découvert ce morceau-là comme ça. Mais le morceau, ouais, ça a été un coup de cœur à ce moment-là. Je l'ai pas forcément noté tout de suite, mais c'est un peu plus tard, je sais plus pour quelle occasion, où je l'ai repéré, et je l'ai apprécié pour ça. Je l'ai apprécié parce que je la trouve... Peut-être qu'elle me correspond bien, et c'est pour ça que je l'aime bien, parce qu'elle me représente bien. J'en écoute... Ouais, ça dégouline peut-être un peu de trucs tout mignons, tout doux, mais moi je l'aime bien. Ne dégouline pas. Je te vois t'envoler sur des nuages avec des petits oiseaux autour. Oh, s'il te plaît, quoi. C'est terrible. Oh non. Mais est-ce que tu es resté un peu accroché à cet artiste-là? T'as retrouvé cet album au complet ou c'est vraiment juste ce titre-là en particulier? À l'occasion lorsque j'ai refait pour la troisième fois cette playlist, j'ai écouté d'autres chansons de cet artiste. Mais je m'y suis pas spécialement attardé. C'est pas que j'aime pas, mais c'est cette chanson-là particulièrement qui m'a plu, et le reste, c'est sympa, mais c'est pas pour autant que je l'écouterais dans la vie de tous les jours. Après, pour rebondir sur R que tu as mentionné au début, ça m'arrive d'en écouter, c'est un groupe que j'aime bien. Mais pareil, je l'ai écouté parce que j'aime bien que j'écoute leurs morceaux les plus connus et je suis pas forcément allé ratisser un peu au fin fond des albums qu'ils ont pu faire sur des morceaux beaucoup moins populaires. Alors je suis vraiment très étonné par le morceau qui va arriver ensuite. Ah, c'est lequel? De petits cotons mignons, d'oiseaux qui s'envolent. C'est beau, c'est calme, c'est tranquille. Et puis ensuite, on va écouter The Clash sur l'album London Calling en 1979. on sent quand même, on sent aussi les nuages, mais il pleut. Pour moi, ça c'est pas du tout les nuages. Bizarre. Pour moi, ça c'est, je l'écoute et j'ai la patate pour la journée, quoi. Pour moi, c'est le genre de musique que je pourrais écouter le matin, pas en guise de réveil matin, mais que je pourrais écouter quand je sors de chez moi pour aller bosser, pour me donner envie de d'être énergique au boulot et faire ce que je dois faire, quoi. Elle a aussi un côté un peu, quand je l'écoute, elle a aussi, pour moi, elle a aussi un petit côté voyage. Peut-être que c'est lié à mon activité actuelle où je me suis étendu sur les réseaux sociaux à dire que j'allais en Grande-Bretagne durant mes congés, mais peut-être que c'est lié à ça et que dans 3 ans, dans 4 ans, je la mettrai peut-être plus dans ma playlist. 1979, 30 ans avant la fameuse période magique où tu nous as sorti les trois quarts de tes titres aujourd'hui. Oui, je sais. 79, c'est plutôt c'est la génération. C'est plutôt la génération de. Vers mes parents, même si c'est un peu plus vieux, mes parents quand même. Mais oui, je sais. Comment ça se fait les clashs? Parce que pour moi, elle a un goût de. Elle me donne envie de bouger. Elle me donne le. Je l'écoute le matin. Je l'écoute. Le matin, quand je vais à pied au boulot et j'ai envie de, j'arrive au boulot, je suis allé au taquet, c'est parti, on va bosser, on va faire ce que je dois faire. Et elle me donne un petit côté voyage. Elle me donne aussi un côté de quand je l'écoute, ça me donne envie d'aller bouger, d'aller voyager, d'aller découvrir le monde. Je sais pas pourquoi. Je sais pas ce qui est lié. Peut-être que c'est lié à ce que j'ai dit à mon futur très proche, mais je pense que c'est le côté qui ressort le plus, c'est le côté énergique. Le côté que quand je l'écoute, elle me donne envie. Et que quand je l'écoute, ça me donne envie depuis. Ça me donne envie. Même si, comme tu le dis, quand on me voit, je suis pas quelqu'un qui me paraît hyper actif et je suis plutôt quelqu'un d'assez calme, assez posé. Mais quand je l'écoute, même en étant en paraissant très calme et très posé, quand je l'écoute. Si ça peut me donner la patate, je peux l'écouter demain matin pour aller faire ce que j'ai besoin de faire et ça va me lancer et ça va me donner une dynamique sur laquelle je peux rester pendant quelques temps après pour me faire les tâches que je dois faire. Et c'est du punk? C'est du punk rock? C'est pas du tout pour le style que je l'écoute, enfin pas du tout pour le style punk rock que j'ai adhéré, mais comme je disais, parce qu'elle me plaît à l'oreille. T'as réussi à prendre une chanson des Clash, il n'est pas énervé. Il y en a des plus violentes quand même. Tu as quand même réussi à prendre des clashs qui ne soient pas trop énervés. Je te dis, les clashs, je pense qu'il y en a d'autres des clashs que je dois connaître. Je suis incapable de te citer d'autres titres. Je pense que si tu m'en mets, je fais « Ah bah oui, forcément !» Rock the Casbah, Should I Stay or Should I Go? Ah oui, si, Should I... Ah merde. Bref. Celle que t'as mentionné, je pense que je la connais, et là, quand rien de dire le titre, le rythme me vient en tête. Mais celle-ci, parce que juste, elle m'a intrigué, quoi. Et tu te la mets quand tu vas en Outre-Manche, chez les mangeurs de bouillis sangliers à la sauce à la menthe? Je me la mets plus quand je suis de bonne humeur. Ouais, oui, je pense que ça respire à ça. Mais là, en y parlant, l'image qui me venait en tête, c'est quand je sors de chez moi et que je vais à droite à gauche pour, aller bosser, aller faire des courses ou ce que j'ai besoin de faire, et pour me motiver, et pour me donner envie et être sous ma bonne humeur et faire ce que j'ai besoin de faire. Et t'as pas écouté autre chose des Clash? C'est pas vraiment ce qui t'a attiré, c'est vraiment ce titre-là qui t'a attiré? J'en ai écouté J'en ai écouté lors de soirées, je pense, ou lors à la radio, etc., mais pas spécialement volontairement pour écouter les Clash. Pas le genre de titre que tu pouvais échanger avec tes potes en internat ou en binge-watchant des séries bizarres sur un vieux lecteur CD portable? Enfin, lecteur DVD portable? Non, pas vraiment. Bah, celle-ci, ça doit faire. Ça doit faire de 3-4 ans qu'elle est dans ma playlist. Je la connaissais avant, hein. Mais je sais plus comment je suis tombé dessus, et c'est il y a 3-4 ans où je l'ai mise dans ma playlist, et c'est à ce moment-là où j'ai eu envie de la... Ouais, elle m'a donné envie, quoi, sans plus. T'es juste resté bloqué sur celle-là, en fait, pour l'énergie qu'elle transmet, pour ce que ça te donne. Bah, comme je pensais à, je repense à la playlist d'Arnaud Doucet, qui me... Où il a, je me souviens, sa première chanson, c'était les Black Eyed Peas. Et il disait, il n'y a pas de raison, c'est parce qu'elle me donne la patate. Bah, c'est un peu le même genre, pour, c'est un peu le même style pour moi, pour London Calling de The Clash. En plus de l'idée de voyage qui transpire, à laquelle je pense en ce moment, mais je pense que ça, c'est juste sur l'instant. Alors, ça fait déjà 9 titres. Oui. Et sur aucun des titres, tu m'as réellement parlé des paroles. Tu t'attaches plus à la musique qu'aux paroles ? Oui, beaucoup plus. Clairement, comme je l'ai... Oui, clairement, je comprends l'anglais pourtant, mais je ne fais pas l'effort spécifique soit d'aller voir les textes pour les comprendre, ou alors de me concentrer pour essayer de choper ce qui est dit. C'est pas un domaine dans lequel je m'intéresse spécialement. Je l'ai fait un peu sur Aaron à l'époque parce que c'était parce que U-Turn, elle avait une, je sais qu'elle a le texte une signification, un rapport avec le film, ben, peu importe ce qu'on en pense, mais c'est tout. Autrement, ça me plaît à l'oreille, c'est sympathique, sans plus. Certaines chansons, je sais qu'elles ont des significations particulières parce que les paroles ont un sens, ou parce que je sais pas, ça a une elles veulent dire quelque chose par rapport à la situation du monde actuel ou quoi que ce soit, et dans ce cas-là, je me dirais oui, pourquoi, enfin, j'irais regarder les paroles, ou alors si quelqu'un en parle, je m'intéresserais, mais j'irais pas de moi-même dire « Ah, oh, j'aime bien ces chansons, qu'est-ce que les paroles disent ?» Et c'est général comme ça dans la musique ? Parce que oui, dans ta playlist d'aujourd'hui, très très peu de paroles, mais tu écoutes vraiment jamais les paroles ? Quand j'écoute du français, forcément je le comprends, donc là ça a un intérêt. Je peux mentionner du genre des chanteurs français à texte comme Old Love par exemple, où là clairement je l'écoute parce que ses textes sont très drôles et bons, enfin ses textes sont drôles et intéressants. Je pense à notamment Benabar que j'ai écouté parce que mes parents aiment bien ça, enfin mon père notamment aime bien ce groupe, ce chanteur pardon. Après, j'y mets pas plus d'intérêt que ça. Et c'est le rare chanteur, le groupe anglais qui nous est sorti. T'es pas très rock anglais ? J'en connais beaucoup. J'ai une playlist qui est un peu dans ce domaine-là, que j'avais faite notamment avec le film Good Morning England. Oui, encore un film. Mais c'est tout sans plus. Mes parents n'ont pas spécialement écouté parce que ils n'étaient pas très vieux à l'époque. Peut-être que c'est lié à ça aussi. Sur 10, dit-on d'attaquer le 10e. Ah, oui. J'ai beaucoup entendu parler de ce groupe. Je ne connaissais pas. Ah. Chaka Ponk, 2009 sur l'album Bad Porn Movie Tracks, c'est How We Kill Stars. Chaka Ponk, qu'est-ce que c'est ? Explique-moi. Chaka Ponk, c'est un groupe d'électro. Sur Wikipédia, ils disent électro rock, pop punk rock. Je l'ai découvert un peu par hasard à l'époque. Je vais raconter ma vie deux secondes, mais je l'ai découvert à l'époque où j'écoutais encore la radio, à l'époque où j'écoutais Virgin Radio, où ils ont été invités. Ils n'étaient pas très connus à l'époque. Ils sont venus jouer ce fameux morceau How We Kill Stars. Et sur le coup, je me suis dit « Ah, c'est sympa, on va essayer. » Et très peu de temps après, ils ont été invités dans Taratata, que je regardais un peu à l'époque. Et je pourrais pas trop... Enfin, j'aime bien, il y a un côté un peu énergique, un peu toujours électro, qui me plaît. Et je l'ai découvert avec cette chanson. Je les suis encore beaucoup, c'est un des groupes auxquels je suis le plus attentif quand ils sortent des nouveaux albums. Je suis moins... Enfin, J'aime bien tout ce qu'ils font, je trouve qu'ils évoluent. Leur évolution, j'en suis un peu déçu sur certains points. Mes albums préférés restent Bad Porn Movie Tracks, The Geeks et The Jerking Socks, qui est le deuxième. Et sympa, mais il y a un peu tout, il y a des morceaux de musique que t'entends à la radio, du genre Amstein, que vous avez sans doute déjà entendu, qui est un de ceux que j'aime le moins, parce qu'il est trop mollasson, un peu trop plan-plan, quoi. Moi, j'aime bien quand ils ont des chansons qui sont vraiment péchues, comme une des chansons que j'avais listées précédemment, qui est Let's Bang, où franchement, c'est si tu l'écoutes, mais c'est de bonne énergie, que t'écoutes ça, pareil, ça donne envie de bouger, quoi. Et j'aime bien le... J'aime bien également, ils ont un style graphique qui est assez intéressant, et pour la petite histoire, ils ont voulu faire un peu comme Gorillaz, où à la base, ils voulaient ne pas afficher leur visage, et que ce soit juste un singe qui s'appelle Goz, qui c'est un singe virtuel qui représente le groupe. Et lors d'un de leurs premiers concerts, ils ont eu un problème sur la machine qui devait afficher ce fameux singe. Et du coup, ils ont été obligés, le chanteur a été obligé d'apparaître sur scène. Et depuis, ce singe les accompagne toujours, mais il est là en plus du groupe qui est présent sur scène. J'aime bien ils ont un côté un peu décalé en fait, parce que c'est une forme de rock, mais c'est pas le rock comme on peut le connaître aujourd'hui. J'aime bien que le mélange un peu le côté un peu électronique, l'électro énervé j'aime bien. Au Weekly Star le représente pas forcément, mais au Weekly Stars reste dans une de mes préférées, parce que c'est comme ça que je les ai découverts. C'était le coup de cœur pour ce groupe-là à ce moment-là, et que du coup c'est pour ça que j'ai mis celle-ci, que j'en avais mis d'autres avant, que je les ai enlevés. J'ai testé après là The White Pixel Ape et même The Black Pixel Ape, qui sont ils indiquent comme le 4 et le 5e album, sauf qu'ils sont tous les deux très liés, qu'ils sont sortis à même pas un an d'intervalle. Le White Pixel, les deux derniers albums me plaisent un peu plus que The Geek et The Jerking Socks, est sympa sur certains morceaux, mais j'ai l'impression qu'il devient un peu plus plat, même si c'est très énergique et très péchu. Il devient un peu plus générique, n'est pas le bon mot, parce qu'ils ont quand même une identité assez particulière. Et je sais, j'en pourrais avoir discuté avec certains, il y en a certains qui détestent ce style-là. Mais moi, c'est justement ce qui me plaît bien, quoi. C'est ce côté un peu différent. J'ai pas eu l'occasion d'aller les voir, moi, en concert, mais pour avoir vu des captations de leurs concerts ou même de leur passage en télé, en concert, mais ils doivent retourner la salle, c'est un truc de fou. J'adorerais aller les voir en concert pour ça, notamment. C'est un peu particulier comme appréciation que j'ai d'eux. Ils font partie de mes groupes favoris. Et regret de ne pas avoir été voir les en live. T'irais toi-même directement dans un live. Pardon ? Et tu irais toi-même dans un live, un peu comme aller au cinéma tout seul ou autre chose. Aller en concert tout seul, ouais. Non. Enfin, d'un côté dans la salle, tout le monde s'en fout, parce que finalement, si t'es dans la fosse. Même sur les gradins, enfin personne sait que t'es tout seul et que t'as accompagné personne. Mais sur le cinéma, ça me dérange pas d'y aller seul, parce que franchement, je au début, je sais que beaucoup de personnes ça les dérange de pas être accompagné. Moi, j'en ai rien à foutre. Que les gens disent ah, il y aura le cinéma tout seul, bah ouais, les concerts ou même des festivals, ça me dérange plus. Je sais pas pourquoi, c'est un blocage. Peut-être qu'il faut que je passe au-dessus. Et que le jour où je l'aurais fait, ça me dérangera plus. Mais pour l'instant, j'arrive pas à m'y faire. J'avais failli aller voir en concert à Nantes à l'époque de leur fin de tournée sur leur troisième album. Ça s'était pas fait parce que je m'étais pris un peu trop tard et que du coup les places étaient super chères et que pour des raisons d'emploi du temps, même de mon côté, ça avait été trop compliqué aussi. Mais c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour. Dacapunk, pour moi, c'est un nom qui sonne hyper violent et tu nous as pris un titre, on va dire, entre les deux. Énergique, mais pas non plus foufou. Pas non plus très très énervé et compagnie. C'est très très fort. Ah mais je te dis, hein, si tu t'en mets d'autres depuis, il y a certains morceaux, il y a une qui s'appelle Palabra Mi Amor avec Bertrand Cantat. Celle-ci est un peu plus énergique. Ça tape, ça. Pardon ? On sait, avec Bertrand Cantat, ça tape. Ah ! Ouais, bah, c'était plus que... Celle-ci, elle est un peu plus énergique. Il y a également, bah, je disais, Les Bang, qui est également... J'ai plus les titres en tête. C'est pas forcément un appel à d'autres titres, mais toute ta playlist est généralement oscille entre le très calme et le légèrement excité, mais pas trop. Et c'est marrant, ça te définit très très bien. Bah écoute, pourtant, Justice, Dance, c'est un peu plus calme et douce, mais certains autres morceaux sont beaucoup plus brutaux et certains morceaux sont beaucoup plus énergiques, même si oui, dans l'ensemble, comme tu le dis, c'est ça oscille, ouais, c'est un peu deux extrêmes, il n'y a pas spécialement d'intermédiaire. Je suis vraiment désolé de te dire ça, Oasis, mais je crois que tu resteras un éternel bisounours. C'est quelque chose comme ça, c'est dans l'air, c'est obligé. Bah, c'est mon tempérament, qu'est-ce que tu veux. Et voilà, on n'y peut rien. Très peu de chansons françaises au final, juste Aaron Newton. Et encore, il chante en anglais. Mais oui, il chante en anglais. Mais oui, c'est des français, oui. Quasiment aucun titre en français, tu nous parlais de Benabar parce que tes parents écoutaient, aucun titre en français. Ouais, bah ouais, là je suis en train de me passer une de mes playlists principales, et c'est vrai que j'ai tout en anglais, j'écoute très peu de français, ça m'arrive d'écouter un peu de rap, notamment en français, parce que quand les chansons, le texte est intéressant, et ça m'arrive de temps en temps, mais c'est pas ce que j'écoute le plus, parce que y a pas vraiment ça n'a pas été volontaire, c'est que ça, au fur et à mesure, ça s'est fait un peu naturellement. Chaka Ponk, ils sont français aussi, hein. Ah, ça, je savais pas. Ouais, Chaka Ponk, ils sont français aussi. Pivinova est français aussi, même s'il chante en anglais. Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'influence le plus dans la découverte de musique ? Même si bon, tu n'as plus vraiment le temps vu que tu écoutes beaucoup de podcasts, etc., qu'est-ce qui t'influence le plus ? La découverte de Spotify, la découverte sur YouTube ou vraiment les titres qu'on échange autour de nous ? Il y a un peu de tout. Il y a pas mal par Spotify, comme je disais. Il y a également par... Il y a pas longtemps, j'ai découvert le groupe OK Go. Qui font des vidéos très très bizarres. Voilà, j'ai découvert par les vidéos justement. Avec ce super clip où ils ont une voiture et des pianos et ils font la musique comme ça, mais... Tout le parcours est parsemé de pianos, de guitares. Ouais. Sur les bords de la voiture, il y a une espèce de tige métallique. Et on fait que chaque instrument est réglé pour faire une seule note. Et en avançant comme ça avec la voiture, ça fait la musique. C'est très, très bizarre. Ils défoncent des pianos, c'est très rigolo. Ils ont fait un autre clip où ils sont dans un avion 0G. Oui. Et celui-là aussi, je l'ai découvert par celui-là. Et pareil, j'aime bien la musique qui est très brutale également, mais j'aime bien la musique pour ça. Ça m'arrive de tester un peu comme ça, de découvrir parce que certains clips sont sympas ou parce que, que ce soit dans les playlists précédentes, il y a quelques artistes que j'ai retenus, notamment dans celle de Kenton où il avait mentionné une artiste islandaise, je crois, que j'ai mis dans ma playlist et que j'aime bien écouter de temps en temps. Après, les découvertes sont un peu limitées aussi parce que, je l'ai dit, j'écoute beaucoup de podcasts, mais quand ça m'arrive, c'est beaucoup parce que, par le bouche à oreille, de temps en temps la découverte, quand j'en suis lassé de ma playlist, mais ça n'arrive pas très souvent. On a vu ton goût indéniable pour la musique, en 10 titres. C'est le moment compliqué qui arrive, un moment très difficile. J'ai donné les titres pour chaque morceau, donc maintenant c'est toi qui vas donner le tien. Le titre de la honte. Alors c'est du tiré d'un film qui est absolument pourri et c'est un dossier que vous connaisserez peut-être déjà. C'est Breaking Free, tiré du film High School Musical. C'est un dossier, on peut le dire, de cette fameuse époque lycée/internat où en dehors de cette culture, de ces films et ces séries qu'on a regardé, parfois des très bons films, on a également regardé de la merde, et notamment ce fameux Esco Musical, parce qu'à l'époque on était des jeunes adolescents et qu'on trouvait l'actrice principale mignonne, je serais incapable de dire son nom. Parce que vous étiez jeune et con, bien sûr. Oui, c'est ça, voilà, bah, on avait 15-16 ans et on était là, ah, trop bien, et du coup ça est resté... je l'écoute jamais maintenant, mais c'est un gros dossier et pendant très longtemps, pendant un très court instant, mais je l'ai eu dans ma playlist parce que j'étais jeune et un gros gamin encore à l'époque. Ça t'a passé depuis, j'espère. C'est... Ah bah oui, quand même. C'est ah, oui, ouf, c'est un gros navet à l'eau de rose avec un peu de romance et de. C'est oui, c'est nul, hein, mais bon, à l'époque, je trouvais ça. Je trouvais pas ça bien, mais c'était surtout venu d'un délire et de... Un lointain passé, voilà. très longtemps. Très longtemps, tout est relatif, mais oui, d'un lointain passé, on va dire. Pourtant, les invités précédents de la playlist, ils assumaient leur choix. C'est mais nul, je quand même. J'assume d'avoir écouté ça et d'avoir regardé les films. Hein. Autrement, je t'aurais mis autre chose, hein. C'est clairement... Ah, c'est pas... T'as vraiment regardé les films? Oui. Les films, tu les as tous regardés? Oui, je les ai tous regardés. Oh la vache, c'est grave quand même. Hein. Si un jour, si un jour Thomas, tu écoutes ce podcast, c'est grâce à ce fameux Thomas que j'ai, qui nous a baratiné avec ça et il fait ah, c'est trop bien et tout, enfin trop bien. On était cons, hein, mais c'est trop bien et finalement c'est nul. Mais c'est comme ça qu'on est tombé dedans et qu'on les a regardés, ouais, c'était pourri, mais on les a regardés comme ça. Parce que je sais rien, c'est une sorte de film comédie musicale mauvais, mais... Bon, voilà, on avait 16 ans, donc 15 c'est ans... C'est inexplicable, voilà. C'est le charme de l'adolescence et des trucs tout nazes. Ah là là, ouais, ce truc-là, c'était horrible, hein. Beaucoup de ma playlist est basée sur des... Vu que j'aime beaucoup le cinéma, beaucoup de ma playlist est basée sur des souvenirs liés à des films que j'ai vus, en fait. Celui-là en fait partie, même si c'est un dossier. Bon, c'est fait. C'est terminé. Tu as fait ta playlist. Enfin, tu n'as plus besoin de la changer, jamais. Comment ça s'est passé? Bah, le choix m'a beaucoup titillé, m'a beaucoup... beaucoup d'interrogations. J'ai remarqué. J'ai réussi assez facilement à mettre... j'ai pas eu trop de mal à mettre 7 titres. Et après, quand il te reste les 3 derniers, tu fais bon. Là, le choix est plus dur parce que les 7 premiers, c'était presque indiscutable. Que ce soit Aaron, Gorillaz, Chaka Ponk et autres. Même du Pivinova, je voulais en mettre dès le début, mais c'est quand il a sorti sa cover que je me suis dit là, c'est bon. J'ai trouvé un truc à mettre qui me plaît vraiment, qui dure un peu. Sur lequel on va pouvoir. Enfin. Sur lequel on voit vraiment tout ce qu'il fait, en fait, et qui me plaît vraiment. C'est pas juste un extrait de 30 secondes à la fin d'une vidéo. Maintenant, quand j'écouterai un morceau, je serais plus à me dire « Ah, est-ce que je l'ai dans ma playlist ?» Comme je disais, bon, je l'ai fait, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé faire la playlist, j'ai beaucoup aimé enregistrer ce podcast. Voilà, si un jour je change de cette playlist est amené à changer, bah... Les autres pas au courant, bah tant pis, je garderai ça pour moi, à la rigueur, par le bouche à oreille, j'en parlerai, et plus ça ira très bien comme ça. Pour un match retour de la playlist dans 10 ans, tu referais ça? Dans 10 ans, oui, ça laisse encore très loin, mais oui, oui, oui. Sachant que je me garde le droit de te renvoyer à la face tout ce que tu m'as sorti aujourd'hui. Ah, mais à part le chez Monmi, je t'assumerai le reste, hein. Bon alors sinon, on peut te retrouver où sur Internet? On peut me retrouver sur mon compte Twitter personnel @oasis35, tout attaché. Et on peut me retrouver également dans le podcast TechCraft, T-E-C-H-C-R-A-F-T. On est en live tous les jeudis soirs sur YouTube. On va reprendre là à la rentrée le 15 septembre. Sans moi, mais ça va reprendre. Je serai un peu plus tard. J'ai également fait un podcast qui s'appelle À l'affiche. Vous allez sur alaffichepdft.fr. Vous trouverez sur la page PodCloud où il y a toutes les émissions disponibles. Et puis également sur, sur Mumble, de temps en temps, avec les gens de Fresh Pods. Vous me retrouverez également à Podren et beaucoup d'événements de podcast où je suis, vu que j'aime bien ça, j'y suis souvent. Et également à droite à gauche dans d'autres podcasts, notamment de Péremptoire. Voilà. Enfin, plein de trucs. La Trinité, non, comme on dit quand il y en a 10, je sais plus ce que c'est. L'énorme quantité de podcasts de Péremptoire. Bah, mais surtout, ouais. tu nous as proposé quelque chose en dernier. Oui. Pour une fois que quelqu'un ramène de lui-même un titre libre de droit, donc je vais te laisser l'annoncer. On va en discuter un petit peu dessus et ensuite je lancerai. Tu nous as proposé quoi ? Alors je vous Podcast Kills Radio Stars, qui est un morceau fait par lors du 27 sur 24 de Podchose en 2015, qui est fait entre autres par Kenton. Et Feel Good principalement, il me semble. Sachant que, je te coupe, excuse-moi, oui. Kenton est déjà passé dans la playlist et Feel oui. Good, j'ai sa playlist. Ah. Méfiez-vous. Bah parce que j'écoute pas beaucoup, enfin, parce que c'est un... Je l'aime, parce que déjà c'est des copains, et parce que j'aime bien cette chanson, parce que... Alors pour une fois, elle est en français, mais et les paroles sont intéressantes, mais... C'était pas, enfin je l'ai écouté parce que c'était les copains, que ça me faisait plaisir de parler d'eux et de leur parce que c'est une musique que j'aime bien. Ah, évidemment, on va terminer sur du copinage, bien sûr. Comme par hasard. Et ben, merci Oasis d'être venu pour cette playlist. J'ai appris avec grand bonheur que tu as eu beaucoup de mal à le faire et sache-le que ça me donne beaucoup d'énergie. Si vous avez vraiment du mal à préparer vos playlists, je puise dans votre horreur. C'est formidable. Merci d'être venu. Nous vous pouvez nous retrouver sur @la_playlist sur Twitter, la playlist la-playlist.podcloud.fr sur le site, et puis vous pouvez bien sûr m'envoyer vos playlists et vos éventuelles participations à barberousse@gmail.com. Moi je vous dirai une prochaine fois avec une prochaine honte, avec un prochain invité. Je sais qu'il y a des hors-séries qui ont été tournées, qu'on va faire venir bientôt. Il y a du monde qui arrive pour la saison 2. Il y a du grand nom. Si un jour tu veux faire des hors-séries sur des trucs électro, genre Daft Punk ou autre, je lève la main et je dis 10 000 fois oui. Hein. Il y aura. Et oui. Il y aura, c'est obligé. Peut-être pas le prochain, mais il y en aura. D'accord. Bon, ben moi je vous dis à la prochaine fois. Salut. Salut. Sans nous sommes